Fait que là, techniquement, l'audio enregistre. Juste parce que je suis parano, on va y aller une dernière fois. Norman Papineau, on va te dire ça dans quelques instants, mon cher. C'est quoi qu'il veut, Norm? Fait que Norm, il veut savoir, on parle de quoi? Rick, oh. Toi, tu parles de quoi présentement? Fait que moi, je vais parler de ma récente expérience à devenir un paysan de console. Forcément, à cause que mon ordinateur, il est mort. Ça va être un sujet principal tantôt. Mais aussi, on va dire ben de la marde avant un peu. Probablement, parler des, oui. Des actualités de jeux vidéo, donner des cotes de 1 à 10 sur des films. Toutes ces choses-là. Bon, mais là, hey, Blonde Prince, Blonde Prince, on va aller regarder ça. C'est Blonde Prince qui nous follow. Un gros merci, man. Shout c'est vraiment out. Cool. En passant, à chaque fois que vous allez follow, la face à Milter apparaît avec votre nom. Fait que ça, c'est quand même une belle manière de follower sur Twitch. Fait que le monde ouais, sur Twitch. De Facebook va être Facebook, comme Facebook, sont comme calistes, le fun est sur Twitch. Ben ouais, le fun est sur Twitch. Mais on vous attend quand même. Milter, parle un peu, voir. Bonjour, bonsoir. Non, bon. C'est vrai, c'est intemporel un podcast. Faut pas que le monde le sache. Mais c'est pas grave, ça. Ils peuvent savoir ce qu'ils veulent. Fait que t'es... Donnez-moi 2 secondes. Que j'ai pas fait, puis c'est avec plaisir que je vous annonce que bienvenue au Geek Collectif, le podcast, la seule balado-diffusion de ce qu'on sait, diffusée de la Rive-Nord maintenant, oh. Avec 2 barbus, Eric, puis un gars qui est sur le chat qui est en train de nous parler de Gain. Ça nous fait plaisir d'être avec vous ce soir, mais mon nom est André Paquette, votre humble animateur, accompagné ce soir d'Éric Hébert. Bonjour André, ça va bien? Ça va super. Je pense que ça fait 8 fois qu'on se le demande depuis 6 ans et demi. Ben, ça va-tu bien? On va falloir qu'on se pose des questions différentes des balances de son, telles que... Ça va, Milter? Oui, oui, très bien. Jonathan très bien. Milter. Yes. Yeah. Plein d'items cool dans ta nouvelle salle. J'aimerais prendre note un petit peu à les multiples Assassin's Creed signés. Ouais. Des lancements, I guess. Des magazines microplay. Des magazines microplay. Ironiquement parlant. Ils en font-tu encore des magazines microplay? Il y en a certains encore qui. Ah, ça existe encore, ouais. Ben oui. Ah, c'est cool ça. Mais en réalité, derrière nous, un nouveau décor. Là, je trouve ça plate un peu parce qu'en plus, à Comic Con, j'ai fait un bel achat. Je vais pouvoir en parler tantôt, mais il est juste derrière moi. On va vous le montrer. Ça va être vraiment nice. Mais notre nouveau studio, notre nouveau havre de paix pour le collectif, entouré d'items qu'on aime. Je vais parler un peu de ça tantôt, toute l'étape de déménagement parce que, ben, ça fait longtemps. qu'on n'a pas eu vraiment de live, on n'a pas eu vraiment de podcast, on n'a pas été les plus assidus, mais à culpa. Les vacances. Honnêtement, les vacances, l'école, le déménagement, le travail, podcasting, c'est en 5 ans, je pense, c'est la première année que le collectif, on a eu autant de difficultés à faire nos recs. Mais c'est correct, c'est ça qui arrive quand on planifie aussi, on a des scripteurs qui ont été engagés pour écrire la première émission de saison 2 qui devrait être bientôt. Ah, c'est un monde-là, tu sais, avec leurs conditions qui manquent, ouais. Tout, il fallait négocier ça avant. On n'en a pas besoin de saison 2, puis savez-vous quoi, il n'y en aura jamais, parce que that's how we roll, puis hey. C'est plus facile de convaincre les trucs. Qu'est-ce que tu dis, il n'y en aura jamais? Non, moi, j'ai une idée, là, on... Ok, il va peut-être en avoir un jour, on regardera. Mais en réalité, guys, petite chose spéciale ce soir, on fait juste un tour d'actualité, toute la gang ensemble, on va s'habituer à notre nouveau domaine, à notre nouvelle table qui est en fait une porte. Donc, plusieurs d'entre vous ont été des fins renards, ont été très observateurs. Mais, des fins renards. Hey, c'est fou. Hein? Hey, hey, Charles on lui donne une ceinture. Depuis que je reste en région, là, ça n'a pas de sens. Fait que... Non, mais c'est un beau show ce soir où on va juste jaser en chum. On va jaser de qu'est-ce qui est arrivé. On va jaser de qu'est-ce qu'on a fait. On va jaser de ce qu'on a joué, ce qu'on a aimé. Puis on va tout faire ça avec une belle gang. Fait que ouais. Pour ceux qui nous joindraient pour la première fois, ben vous écoutez le live va disparaître par après. Il sera pas sur Facebook, il sera pas sur Twitch, il sera pas nulle part. Fait il va revenir sous format audio. Puis si tu veux gagner le 1 million de dollars qui n'existe pas à la fin du show, faut que tu restes. J'ai dit qu'il n'existe pas, right? Ouais, t'as dit qu'il existe pas. C'est correct, tu viens nous protéger là-dessus. Fait que, guys, super simple. On start le show, fait que... Ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble, puis je suis content. Je suis content. Mais moi aussi, je suis content. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres dans les dernières semaines? Rick, je pense que toi, il t'est arrivé une tragédie dans ta vie qu'en fait, t'as fait redécouvrir une passion. Ben, une passion que j'ai jamais perdue, là. Avant, full disclosure, le meilleur jeu qui existe sur la planète que je vais jamais jouer, puis que je vais toujours jouer, puis que je vais toujours aimer, c'est World of Warcraft. Fait que, full disclosure, juste mettre ça à terre. Mon ordi il est mort dernièrement. Il est KO. Habituellement, je suis capable de le réparer. Habituellement, tu sais, c'était. En tout cas, il y a des conneries, là. Mais il y a ma fan de CPU qui est pétée. Puis c'est comme une clip sur la carte maîtresse qui est cassée. Pis c'est de la grosse fucking job pour rien. Puis j'ai juste décidé. Puis on est un peu nous autres dans ma vie personnelle. On est dans une genre de transition lente. Parce qu'on attend de vendre un condo. Mais je vais aussi éventuellement transitionner à notre nouvelle maison qui est toujours dans le coin d'Hochelaga, OG Hochelaga. Puis mon ordi est mort. Fait que je me suis dit, je vais m'acheter un nouveau ordinateur tantôt. J'avais déjà un plan de faire un gros upgrade, comme un gros upgrade. Mais là, à cause que mon ordinateur il est mort, que j'étais en train de survivre avec depuis un bon petit bout, il est juste finalement KO. Fait qu'à cause de ça, ben là, j'ai plus d'ordinateur. Shout out à Tales from the Click en passant qui est dans notre live. Là. Si vous connaissez pas la chaîne de Tales from the Click, il y a deux heures là-bas. Tabs ouais. Sur YouTube, c'est un de nos chaînes de la France. JB suit à brosse de vin en train de nous regarder. Le gars qui boit le moins sa planète. C'est ça, tu sais. Mais c'est ça, fait que mon ordinateur il est décédé. Puis là, je suis un petit peu dans la boîte à cause de ça. Mais tu sais quoi, je me suis dit, fuck it. Je vais attendre que le condo est vendu. Je vais attendre que les dépenses sont faites avant de prendre ça. Puis je vais juste m'investir à 100% dans ma vie de paysan de console. Milter, qui vit ça, ça fait longtemps. Oui. Mais j'ai toujours été un gaming peasant. Là, C'est un peu ça le sujet que je voulais toucher. Le fait d'être un paysan de console. Fait qu'on va enlever une chose de la table tout de suite. Le PC gagne dans toute catégorie quand ça vient à graphisme, quand ça vient à puissance, quand ça vient à tout ce shit-là. Fait que, tu sais, GG, un point. Puis, il y a beaucoup d'exclusivité aussi sur le PC que tu peux avoir sur Steam, etc. Mais si t'es pris à pas... Si t'as pas de PC, on va dire, t'as pas l'argent à mettre dans un PC... C'est correct. Ouais. Puis, tu vas trouver de quoi... Puis, en plus de ça, j'aimerais faire un parallèle. Fait que là... Le Steam, moi j'ai sauvé de l'argent à cause de mon PC était mort parce que mon PC marchait pas pendant le Steam Summer Sale. Fait que j'ai pas dépensé une soixantaine de piastres comme je fais habituellement à peu près sur plein de jeux que je vais sûrement jamais jouer. À place, j'ai attendu un peu puis sur le Xbox puis sur le PlayStation, il y a eu leur Summer Sale parce qu'ils font à peu près en même temps. Puis les deals se ressemblent quand même pas pire. Ils ont des bons deals. Bonne deal. Rick a acheté Shadows of Mordor. J'ai acheté Shadows of Mordor. Ouais, lui l'a pogné pour 6$. Moi, je l'ai pogné pour 6$. Milter l'a pogné pour rien. Quand même. J'avais même pas pogné pour 3$. Ben, c'est parce que Milter, il sait pas. Milter, il était. Celle-là, je savais même pas que je l'avais. Il était au Saguenay, puis j'arrêtais pas d'y envoyer des messages. Oh, j'ai acheté ci, oh, j'ai acheté ça. Lui, il est au Saguenay en train de courir. Je suis arrivé chez nous en passant mon hard drive, il était loadé, là. Fait comme ah tabarnak Forza 6 out clac. Ma première achat c'était Forza 6 en fait que j'avais pas eu la chance de jouer encore puis là j'ai décidé de me le pogner en gros kit avec tout le DLC pendant Summer Sale. Tu vas être prêt pour avoir du Forza 6 4K avec ton Xbox One X? Je sais pas s'ils vont avoir l'update du Forza 6 ou ils vont connaissant Microsoft ils vont nous obliger de jouer ça sur Forza 7 absolument. Je pense pas que 6 va avoir un upgrade. Peut-être. Mais tout ça pour dire que être un PC, être un console peasant, c'est bien correct. Puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on assume. En ce moment, il y a bien des guerres qui se passent sur des groupes, dans des conversations. Le monde devient vraiment retardé. Tu veux dire des cyber-guerres. Ah, je sais même pas comment les appeler. Puis moi, en plus de ça, j'aime ça foutre la marde dans ces affaires-là. J'aime ça dire de la marde pour genre... Non, mais la raison, moi, je vais toujours le dire. Quand je parle de la marde dans un groupe ou des affaires comme ça, c'est jamais pour... Vraiment non, comme c'est pas de la vraie marde. Non, mais de un, c'est pas de la vraie marde, mais de deux non plus, je vais jamais attaquer quelqu'un personnellement, je vais jamais comme mettre du sel sur une plaie, je vais jamais comme rire de quelqu'un qui connaît fuck all dans ça. Quand quelqu'un apprend, il apprend, tout est bien. Mais moi, je vise le monde qui sont très défensifs et hardcore. Fait que si quelqu'un me dit « PC Master Race, t'es pris sur une console, t'es un retardé », ben c'est cette personne-là que je vise, moi. Je vais jamais viser quelqu'un pour rire d'eux intentionnellement. Je vais rire de la personne qui rit des autres. Ouais, ça, je pense, tu sais. C'est toujours ça que j'essaie de faire. Ça prend la totale un peu, je trouve. Surtout en 2017. Tu sais, on s'entend, on fait 5 ans à peu près qu'un PC à start. Tout dépendant, tu vas mettre un peu d'argent dessus une fois. C'est comme un char. Faut dépend qu'est-ce que tu fais aussi. Mais tu sais, c'est ça. Ça dépend qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu joues. Garde juste sur une vieille machine. Ok, j'ai une nouvelle carte nouvelle vieille carte graphique. Mais tu sais, si tu mets un peu d'argent sur ta machine, tu vas t'offrir longtemps. Puis. Ça t'en prend des consoles. Honnêtement, là, t'sais, Horizon Zero Dawn, ça me prenait un PS4 pour jouer. J'ai pas fini encore, va falloir que je le finisse. Dis-tu quoi? Pas pour tout dériver du sujet. Mais en fond, c'est dans le restant du sujet. Les consoles comme les consoles de Nintendo et les consoles de PlayStation, c'est parmi les dernières consoles qui ont des vraies exclusivités qu'il te faut absolument, ces consoles-là. Ouais. Parce qu'on va se dire les vraies affaires, Microsoft, eux autres, ils ont un autre plan. Puis le plan, c'est de merger ça avec le PC. Puis c'est rendu là que je m'ai rendu compte de ça en revenant de vacances. Mes enfants, ils ont joué à Minecraft sur le iPad. Puis un moment donné, mon gars, il me regarde, il dit « Papa, c'est quoi ça? » Tu vois, il y a un menu qui est là. Le Minecraft, il me demande mon Xbox account. Ouais, si j'ai un. Sur ça, ouais. Fait que là, j'ai fait « Ah ouais, on va le rentrer, ouais, pour le fun. » J'étais arrivé chez nous, j'avais comme 3 nouveaux achievements de Minecraft. Mais tu sais, les affaires basic. Mais en plus, mais t'es c'est jeune, à cause qu'ils m'en donnent. Là, de puis ça. Tes jeunes vont pouvoir être sur la tablette pendant que toi, t'es au Xbox. Ouais. Puis vous allez pouvoir jouer ensemble. Parce ouais, que ça s'en vient, là. C'est une des seules... Je veux pas faire mon Microsoft fanboy, même si c'est sûr que j'ai plus mon chapeau dans ce camp-là depuis des années. Ben, t'as ton tatou. J'ai zéro tatou. Mais j'aime l'idée de ce genre de synergie-là. Puis la guerre des consoles, je trouve que ça en vient très irrelevant. Puis moi, je pour les consoles qui poussent à une unition, un mélange des deux, là. C'est ça. Ben, tu vois, justement, regarde, sur le chat, là, console et le PC pour Diablo. Ouais, Trudeau Base, dans le fond, Trudeau Zero Mais Base. Il dit quelque chose de très bien, là, parce que Diablo sur console... C'est très fucking bon, là. Puis il y a des changements qui ont fait au niveau du contrôle, je trouve que ça marche mieux. Mais sur PC, t'es pas obligé d'avoir une machine ultra récente non plus pour jouer. Fait que non. C'est ça qui est cool. Mais Diablo, c'est un des rares. C'est un des pires exemples un peu Turbo Base dans mon livre. Parce que Diablo, c'est un des jeux qui transmet tellement bien sur console. Je pense que Blizzard, ils ont fait tellement une bonne job de Diablo sur console. Avec le 4 joueurs couch co-op que tu peux faire en plus avec. Ça, c'est cool. Mais Diablo console, je trouve, c'est un peu le gateway drug vers le PC. C'est genre. Ouais. Tu joues à Diablo, sois pas triste. Là, sois pas triste. Là. Sois pas triste. Je veux pas que tu sois triste, Turbo Base. Pas triste. Trudeau, je veux pas zéro, que tu sois triste. Ça. Mais c'est un gateway drug. Tu commences à jouer à Diablo sur la console avec ta blonde. Le kit, puis à un moment donné, c'est comme on fait le funky. Moi, j'ai déjà Battle.net. Moi, j'ai installé Overwatch. Puis tu finis par jouer par ça. Mais moi, je joue ça aussi. Puis je me dis, est-ce de calice que j'aimerais ça que mon Diablo se transmet sur le PC aussi. Fait que mon expérience. Jouer les deux ensemble. C'est ça. Ouais. Puis il y a pas beaucoup de compagnies qui travaillent à faire ça. Microsoft, c'est la seule compagnie qui ont toujours travaillé ça du début. Je faisais mon petit reading avant pour les Patreons. C'était pas des Patreons, c'est juste du monde qui faisait des soundcheck poche. Mais mais je faisais un reading de mon livre ici. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça, c'est un next-gen de 95. Puis c'est vraiment une entrevue de Bill Gates qui parle de c'est quoi sa vision du futur des consoles. Puis lui, Bill Gates. Puis c'est ça. Puis ça, c'est dans le temps où ce que le PC... Il y avait une coupe en bas. c'est fou, il y a comme... Il était un peu plus vieux que nous, là, à cette époque-là. Il avait comme 45 ans, là. Puis c'était un milliardaire, là. Ouais, un peu. À peine. Parce qu'il y a quel âge, à cette heure? Il doit être proche de 65, ah, là, ouais. À peu près, là. Sa conscience a été downloadée dans un cristal sûrement. Qui reflète un hologramme. Dans un crâne de cristal. Qui fait des fondations. Mais en lisant son entrevue ici, parce que dans le temps, des années 90, le PC, c'était le console peasant. Puis c'est un peu à ça que je veux en arriver dans mon sujet. C'est avant... C'était le console PC gamer qui était le peasant, puis c'était le excuse-moi, c'était le PC gamer qui était le peasant, puis c'était le console gamer qui avait tous les jeux, tous les bons jeux. Ouais. Tu le jouais des bons jeux, tu pouvais juste les jouer ses consoles. Je dis pas que PC a pas de bons jeux là, des excellents jeux au PC, puis on parle de l'époque où il y avait des Warcraft, des Sims. Un bon non, parallèle non, pour ça. Non, c'est bien avant ça. Il y avait beaucoup, mais il y avait SWAT, moins de personnes qui jouaient. Là. Les jeux Shoot Larry. Oui, mais ça c'était, il y avait tous des bons jeux. Tel qui était là, mais moi je me souviens juste pour faire un parallèle puis prouver à quel point je suis d'accord avec Eric. Je me souviens dans le temps où j'essayais de rouler des émulateurs. Puis ça, c'est très... C'était dans trentaine, là, t'as connu le struggle. T'essayais de rouler un émulateur de Super Nintendo sur ton Pentium 75 MMX avec genre 4 mégs de RAM. Puis tu braillais parce qu'il fallait que tu fasses des frame skips puis des save states puis des affaires la même. Moi, j'avais un Pentium Pro. T'essayais d'émuler ces genres de Super Nintendo-là sur ton PC. Fait que dans le temps, le PC, il y avait des jeux vraiment fucking cool. Ben là-dessus. De la misère avec le... Mais c'était le... peasant, un peu, là. Ouais, ben, il y a ben de la misère, le PC, dans le temps, au niveau gaming, pour être le choix mainstream. Maintenant, on le voit, puis on est comme... C'est la plateforme de choix, je trouve, c'est le PC. Mais moi qu'est-ce qui me fait rire déjà, avec ça, dans un sens, c'est le monde qui crie... À tue-tête, PC Master Race, fuck les ouais, console peasant, mais qui est en train de jouer genre à Terraria ou de quoi chez eux, il y a eu 12 000 heures de Terraria, puis j'adore ouais. Terraria, là, mais que je veux dire, c'est que c'est comme. Est-ce que t'as. Viens pas me faire chier avec tes affaires de graphique après, puis dire. T'as j'ai vraiment besoin d'une GTX 1080 Strix 12 gigs. Si tu veux jouer à Battleground Player Unknown, c'est d'autres choses. Si tu veux le mettre dans le tapis, puis avoir du détail, puis tout, là, je peux te dire, OK, t'as raison, ta version va être mieux que la mienne sur Xbox, peut-être. Mais c'est tout. Parce que t'es full equip en spec aussi. Tout. Mais rendu là... Non, mais c'est parce que le but aussi, c'est qu'on est tous des gamers. On veut tous jouer des jeux vidéo. Moi, je suis un gamer. Moi, je veux jouer des jeux vidéo. Puis oui, j'aime ça tordre le couteau dans les fanboys. Les vrais fanboys, oui. Là... Moi, là, ça, c'est les gaming ça, c'est troll, bites. Ça, Antoine. Ça, là, moi, je troll les fanboys troll. C'est qu'est-ce que je vais toujours faire sur Internet. C'est qu'est-ce que mais je troll aussi, puis toi aussi, les fanboys de console. Non, mais moi, j'ai du monde qui maillisse à cause oui, de ça, ben, parce que je pointe du doigt des caves. On est banni d'un... C'est quoi le groupe, donc? On s'est fait raser de... Gamer. Ouais, ça, c'est devenu touchy. D'une province quelconque qu'on enregistre un podcast là-dedans. Mais on est cool dans un autre Gamers, qui est bien correct. Parce qu'il y en a aussi, plusieurs. C'est ça, il y en a plein de Gamers. Mais tu vois à quel point que le monde se faire... Je dirais pas mettre à leur place, mais pointer du doigt de garde, t'as tort de dire ça, t'as tort de amplifier cette guerre de plateforme-là à un autre niveau. Puis, qu'est-ce qui est plate de ça, c'est que ça nous permet pas d'avoir des discours bien entre consoles et d'autres plateformes, ou entre les plateformes. Moi, j'aimerais ça discuter normalement à quelqu'un que, OK, ben la Xbox One est meilleure que la PlayStation 4 en ce moment. Parce que le voice control, j'aime ça. Ah, mais toi, t'es... Surtout qu'il donne plus la Kinect avec j'ai-tu droit depuis de le dire? La première ouais, mais c'est de dire. Ton opinion, puis c'est ça qui est magique. C'est ça. C'est que t'as le droit d'avoir toi, t'aimes une pas opinion ça? Et un choix. Mais qu'est-ce toi, t'aimes pas ça? Ben moi, c'est pas que je m'en calisse. Mais c'est un peu ça aussi. C'est que tu t'en calisses. Tu vas pas chier sur... Tu peux pas dire « fuck du voice control », ça me tente pas, c'est de la merde. La Xbox One, en ce moment, est meilleure que la Nintendo Switch. Ben oui. À cause, je peux regarder bien des films illégaux dessus. C'est un mais argument... Tu le fais pas. C'est un argument pas. Quelconque. Non, mais tu sais, je pense non, mais, que... Je pense que tout est... Non, la Xbox One est meilleure que la GameCube... À cause que le vertical pixel shading qui se passe dans le 62 Hz, quand c'est divisé par un algorithme de 12 fois X anti-aliasing polygon count. Tu sais, puis ton pourquoi langage de parler des polygons en passant? Moi, je veux savoir combien de polygons qu'il y a dans mon jeu, esti. En fait, moi, je veux savoir pourquoi Mega Drinker 1984, ça y est, je suis bandé, jouer sur un PC dans le divan. Écoute, man, Steambox, t'as le droit, tes érections, c'est toi qui contrôles, mon cher. Ben, attends une seconde. Mais jouer au PC, son PC, il est dans le divan. Tu peux pas assis dans puis le divan. Puis il est bandé. Ça, c'est regarder du porn, Mega Drinker. Dans le divan. Puis on le fait tout. Puis tu peux regarder du porn sur le Xbox One. Tu peux le faire sur la toilette, quoi? C'est plus propre aussi. Ouais, tu peux le faire sur le PS4. Mais mettons là, qu'on revient sur le sujet. Puis... Console gaming, c'est bien correct. Être un console peasant, c'est bien correct. Les jeux, c'est qu'est-ce qui est important. C'est ça qui est le plus important. Puis j'ai découvert ça dans les semaines qui ont passé. J'ai joué. Moi, je vais t'expliquer mon gaming problem. C'est que j'aurais acheté, on va dire, Sleeping Dogs. Je l'ai même pas acheté, il était gratuit. Je commence à jouer, je l'adore. Mais là, après ça, il y a une nouvelle saison qui commence dans Hearthstone. Il y a une nouvelle saison qui commence dans Heroes of the Storm. Puis j'ai commencé à faire des BGs avec mon level 18 Warrior parce que je veux pas payer pour un abonnement chez WoW en ce moment. Fait que je veux juste faire des BGs à low level. Mais moi, je vais arrêter de jouer mon Xbox à cause que je vais être plus attiré à jouer ces jeux de PC-là. Puis à cause que j'ai été forcé à pas jouer à ces jeux de PC-là, mais j'ai commencé à finir plein de jeux. J'ai fini Sleeping Dogs. J'ai fini Deadpool. Je l'ai fini il y a 3 ans. Mais pas Deadpool, là. Mais non, mais c'est ça qui me fait chier quand il me le donne gratis, puis tu sais, tu l'as déjà eu. Mais il est vraiment bon. Le gratis d'aujourd'hui et le triple A d'hier. Ouais, mais c'est pour ça que le triple A, on y pense deux fois avant de l'acheter. Ben, le monde commence à être conscient. Mais non, mais moi, le triple A, là, c'est rendu que je fais comme Batman Arkham Knight, que j'ai jamais joué quand il est sorti, mais que j'ai vu tout le monde chialer, il y avait des problèmes. Je pense que ce jeu-là, quand il est sorti, il y avait une couple de petits problèmes techniques. Juste là. Sur PC. Juste au c'est PC. Ça, ouais, ouais, mais c'est ça, c'est celle-là. Là. Mais je me rappelle. Le PC, t'as pas adapté. C'est ça. Même, mais je me rappelle que ce jeu-là, il est sorti, puis je l'avais pas joué. Puis là, je la jette pendant le Xbox Ultimate Summer Sale pour 20$ avec tout le DLC, tout le shit, tout est écœurant. Merci, Rick. Mais tu vois, c'est ça, regarde, je veux discuter ça. Je préfère les exclusivités son, mais j'aime Sony. Ou va Microsoft. Regardez, pour ceux qui se posent la question, c'est que le chat de Twitch est affiché. Ouais, c'est nouveau, cela là. C'est nouveau. Fait que là, Rick a accès au public. Ouais, je devrais peut-être toi. C'est-tu une bonne chose, ça? Par le biais de sujets proposés. C'est ça. Mais c'est correct, j'aime que Trudeau Base, il catch où ce que Microsoft s'en a. Moi, j'aime ça que le monde embarque avec nous autres dans la conversation. T'sais, on n'est pas juste trois mais à boire de la bière. Mais c'est qui ce monde-là? C'est le monde sur Twitch. Ça, c'est sur Twitch. Le monde cool qui sont allés sur Twitch. Ils sont pas en train de jouer. Ben non, ils nous regardent par ouais. Comme le monde sur Facebook. Mais non, mais tu touches un super bon point, Trudeau Base. Les exclusivités de Sony. Ils préfèrent les exclusivités de Sony. Exclusivités c'est de normal, Sony, parce correct, que Sony, ils ont bien investi. Mais la vision ils pas le choix. Long terme de Microsoft, tu sais, justement, là, le PC console pour le futur, moi, il y a une affaire qui me tape ses nerfs, puis c'est des... Tu sais, je vous donne un exemple, Rocket League. Rocket League, peu importe, tu peux jouer contre PC, tu peux jouer contre Xbox, tu peux pas jouer Sony contre PC, par exemple. T'sais, non. Sony qui freine un peu cette ouverture de... Tout le monde pourrait jouer. Non, mais c'est tout parce le monde. Que Sony, c'est. Là, je vais faire du real talk. Là. T'as-tu. Attends, avant non, je vais faire du vrai real talk. Je veux juste talk. Savoir une question avant. Okay. As-tu entendu la raison pourquoi que Sony a dit qu'ils veulent fuck pas. Fuck leur raison, c'est de la bullshit. Non, mais. Ben, c'est... Ben, je pense que les auditeurs. Fait que tu l'as entendu. Ok, ouais, je pensais qu'ils savaient. Non, mais toi, c'était dommage. Je l'ai pas entendu. Je m'excuse. Je m'excuse. La raison, tu sais, genre que Sony veut pas faire de cross-platform ou avec Minecraft, surtout, qui va bientôt être partout ensemble, là. C'est il disait on offre une sécurité, ça me fait rire venant de Sony, on offre une sécurité dans des clauses qu'on fait accepter aux gens avant, tu sais, le long qu'on texte que tu scroll down là, genre. Ce qui garantit, c'est que personne pourrait hacker PSN puis voler nos numéros. Exactement, même si c'est ça qui est arrivé très souvent à eux autres, tout, c'est ça qui me faisait rire. Ah, c'est arrivé. Mais eux autres, en faisant ça, ils disent qu'ils pourraient se compromettre à d'autres hacker ou quelque chose, puis il pourrait pas offrir la sécurité qui est mentionnée dans le contrat de PSN d'un... C'est un peu plein de merde. Fait ça. Que c'est une excuse ben, de merde. Come on, là. Mais je vais dire, puis en passant, il y a Blonde Prince qui dit à Milter qui est en train de jouer à Crash Insane Trilogy, que j'ai très hâte à m'acheter en passant ma PS4. Mais Sony sont pas dans le business de vendre... Parce que Microsoft, puis c'est pour ça que c'est... Tu sais, une leçon d'histoire devrait être connue dans les consoles de jeux. Microsoft, du début, s'en calisse de faire des royautés ces jeux. Ça, là, les gens, faut qu'ils le comprennent. Là. Sony, oui, ils veulent que du monde fasse... Comme s'ils font un jeu sur une Xbox, ils veulent qu'ils payent des royautés. Mais sur le PC et tout ça, là, c'est un peu ce freedom-là qui vise eux autres. Quand un distributeur vend un jeu sur Steam, là, ils mangent comme 30% d'un dent. Nintendo, ils ont leur seal, faut que ça soit prouvé et tout. Microsoft, ils ont toutes leurs procédures aussi. Mais leur but, eux autres, c'est d'avoir une plateforme pour jouer des jeux. Microsoft veulent que le Windows puis leur OS soit le standard. Puis en ce moment, la manière que le Xbox puis le Windows sans ligne, c'est sûr que c'est ça qui se passe. Sony puis Nintendo aussi, eux, ils vendent des produits, ils vendent des jeux. Ils vendent c'est des que jeux, j'aime comment tu dis Sony. Mais Sony? Sony. Ben Sony, ouais. Sony. Eux, ils vendent du contenu. Sony, là, c'est pas une compagnie, c'est une compagnie de hardware. Ils sont reconnus pour leur télé, ils font ben plein de shit. Mais faut pas que tu oublies que dans les années 80-90, ils sont allés sur un gros media spree. Là. Ils ont acheté des studios de musique, ils ont acheté des films, Céline Dion. Ils ont investi dans des technologies de l'avenir, des films et des. Mais c'est ça, ils ont investi dans beta, le contenu. Beta, man. Eux autres, ils ont investi dans le Blu-ray. Contenu. Blu-ray. Puis à cause de ça, Sony, ben, eux autres, c'est ça leur business, c'est de vendre du contenu. Ben. Fait que là, quand ils sortent un PlayStation. Mais eux, c'est parce qu'ils veulent vendre du shit dans cette PlayStation-là. Microsoft, eux autres, s'en calissent un peu. Ils veulent que leur plateforme soit attachée à le PC, puis qu'il y a du contenu qui se passe ces deux, mais ils veulent que leur OS soit dans le background. Sony, là, vont jamais pouvoir vendre un PC avec le OS du PS4, là, genre, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ouais. C'est deux choses différentes, pis c'est pour ça que ça change. Anyway, ouais, mais on s'entend que... Console Peasant, un jour, va redevenir le Master Race. On s'entend que, justement, tu sais, Microsoft, c'est la merde. Le Xbox, ils ont pris un chemin un peu particulier, parce que je suis de même opinion que toi, Microsoft a un but. Ils ont sorti la Xbox dans le but de faire... la DirectX Box, fait que dans le fond, DirectX, technologie de jeux vidéo, DirectX, Windows, Box, dans quoi? Le salon. Pour de vrai? Ben oui. Hein? Fait que leur but, c'était de migrer les gens vers cette boîte-là, les habituer à jouer là-dessus, pour ensuite les ramener sur le PC. Hey, c'est pas mal là qu'on est rendu, hein? On est rendu ton Gears of War 4 sur cette plateforme-là. Puis dans le temps... Tu l'as sur le Windows Store, tu l'as sur partout. Puis dans le temps, c'était très difficile de faire cette synergie-là. Parce qu'il y avait encore du monde qui avait du Windows 98, du Windows 95, mmh. Millennium, c'était le pire fucking mot de tête qui venait d'arriver. Fait que Microsoft, quand ils ont sorti la Xbox, là, je veux dire, XP s'en venait, était venait de sortir, mais c'était encore pas un standard comme qu'ils voulaient. Mais là, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le Windows 10? Windows 10 ont finalement réussi à... Je suis pas un programmeur, mais je pense que le back-end... est beaucoup plus fluide entre les deux que ça l'a jamais été. Puis c'est ça qui est le but un peu. Puis on le voit là, dans le Steam Summer Sale, dans le Xbox Ultimate Summer Sale, je me suis acheté Resident Evil 7. Merci. 40, ça fait plaisir. Puis je la jette, puis je l'ai au PC aussi là. Ouais. Je veux dire, ça c'est un jeu ah que j'ai acheté ah au ouais, Xbox. Ça c'est nice. Puis ça, je l'ai au PC. Nice. Je vais m'acheter un PC, je vais-tu l'avoir? Non, ça c'est. Ouais, on va checker ça plus tard. Ouais. Mais comme ça, Forza 7, quand je vais acheter Forza 7, j'ai acheté Forza 6, je l'ai au PC, je pense, je suis pas sûr. mais Forza 7, je vais l'acheter, puis ça va être au PC, puis à mon Xbox One X. Moi, c'est ce genre de synergie-là que j'aime. Ça me fait triper, ça. Là. Moi, ça me fait triper. Puis Sony, en ce moment, il y a un petit move, là, puis je veux pas hate au bash Sony tout le temps, je les adore. J'adore leurs jeux, j'adore tout ce qu'ils ont produit depuis des années. J'étais un des plus gros Sony fanboys des années 90. Comme si je m'aurais fait bannir de plein de groupes si Facebook existait dans le temps, juste pour ça. Mais c'est vrai. Là. Mais Sony, ils ont le PlayStation Now, que je trouve, c'est comme... Oh, là, ils viennent de... ils ont tout enlevé le support de PlayStation Now de toutes leurs plateformes. Ils l'ont juste mis au PS4 et au PC, je pense. Ouais, tu peux acheter le Bluetooth adapter avec une manette. Oh, mais c'est parce qu'ils ont mis des jeux de PS4. Là, ils ont commencé ça? À mettre des jeux de PS4 ouais. sur le PlayStation Now. Puis ça démontre un petit peu la mentalité de Sony. Parce qu'il aurait pu garder la Switch allumée au PlayStation Now sur le Vita et sur le PlayStation 3. Puis t'aurais pu avoir, comme technologiquement parlant, là, t'aurais pu avoir un PlayStation 3 puis jouer du PlayStation 4. Ouais, mais ça, c'est une stratégie de pousser des consoles. C'est que t'enlèves des fonctionnalités de ton ancienne génération pour vendre du nouveau hardware. Ouais. En ce moment, au pire, il aurait juste bloqué l'accès au contenu PS4. Mais c'est pas juste ça, c'est parce que y a, encore une fois, c'est un clash de mentalité parce que Microsoft, ouais. leur stratégie est de vendre une boîte qui va permettre au monde d'utiliser leur OS ensuite, puis etc., puis etc. Puis ils ont pris des changements. Tu sais, je vous donne un exemple, les upgrades gratis à Windows 10 quand tu avais Windows 8. Ouais. Tu sais, ils ont une stratégie beaucoup où c'est tout inclus. Versus Sony que... Ils sont beaucoup plus... contaminés. Fait que Sony... Xbox sont beaucoup plus good guys. Sony en sont ce moment, sont les good guys. Ouais. Ils sont très good guys, puis Sony sont encore dans la mentalité de vendre. Nous sommes dans le plus de salons possible. On vend le plus de hardware. Parce que dans leur tête à eux autres, ça sécurise encore les studios. Ouais. Parce qu'ils veulent avoir... Sauf que d'un autre côté, le software qui se vend beaucoup, c'est le first party, c'est le in-house, c'est les... Horizon Uncharted. Down, c'est les Uncharted, les affaires de même. Ils font bien de l'argent à vendre dans ces jeux-là. No Man's Sky, oublie pas No Man's Sky. Beaucoup d'argent avec No Man's Sky. Ben, ils n'ont mais, fait moi, il y a un sujet, là, Trude Zero Base parle à console Steam. Moi, il y a une affaire que je veux dire sur la console Steam, c'est que ça a été un bel essai, mais encore une fois, c'est une stratégie de marché de Steam de mettre quelque chose en vente qui avait le Steam OS dedans. Parce que Steam ont essayé de faire le Steam OS. Fait qu'à ce moment-là, le Steam OS, ben, c'est un peu la même stratégie que Microsoft, sauf que, fuck. Mais non, ils essaient d'enlever le... T'as-tu vu que Steam, ils ont essayé d'enlever Windows? Ben, c'est ça. En sauf allant avec du Unix, pas du Unix, c'est mais du c'est une stratégie où on essaie encore d'enfoncer une nouvelle technologie dans la gorge du consommateur, mais avec la même stratégie que Microsoft, qui ont déjà... gagné cette bataille-là. Gagné le marché PC, on s'entend, le Windows. Là. Steam OS, là, j'ai jamais installé ça sur ma fucking machine pour aller jouer à CSGO, puis... je ferai jamais ça non plus là, t'sais. On s'entend, tout le monde développe pour la plateforme Windows, t'sais, Nvidia, ouais. leur driver, etc., etc. Fait Tu sais, c'est un bel essai, la console Steam, les Steam Box. Tu sais, moi, je vois ça un peu pour la même raison que je m'avais acheté un PS Vita TV pour m'en servir pour faire du streaming de PS4 dans le salon versus ma salle de gaming. Tu sais, c'était une petite solution abordable pour m'aider à étirer mon gaming. En réalité, je n'ai pas besoin parce que maintenant, en plus, il y a le logiciel. Tu l'as-tu encore? Je l'ai encore à quelque part. On parlera un moment donné. On parlera à un moment donné, certainement. Fait que, Eric, en réalité, là, toi, t'es pas triste que ton PC. Ben, t'es triste que ton PC soit pété, mais. Ouais. J'ai jamais eu autant de fun au meltdown vendredi. Des passé. Fois, c'est le coup de pied dans le cul qu'il faut pour te dire, il est temps que j'upgrade. Tu sais, des. Oui, parce ouais, que ça, j'ai tiré la sauce sur mon PC, c'est ça faisait longtemps. Mais j'avais acheté mon PC un peu. Je l'avais modifié. J'avais fait vraiment future-proof, là, 7 ans. Puis, quand même, réaliser qu'à ce jour, je peux pas mal jouer à tout. Peut-être pas en, comme Overwatch, je jouais très bien en médium, 65 frames ben, par seconde. On va se dire les vraies affaires. On s'entend que tu peux pas jouer à tout. Il est pété. Ouais, là, je peux y jouer, mais je pouvais. Non, j'avais bien fait, j'avais bien magasiné mon shit. Oh, mais oui, j'ai appris que. Mais en fait, j'ai pas eu de manque de gaming parce que je veux gamer. Ouais. Fait que la minute que tu veux gamer, si t'as une plateforme ou si t'as une source de ton gaming qui disparaît, tu vas toujours gamer. Tu vas toujours trouver une manière. Nature finds a way. Je joue à Magikarp Jump sur mon iPhone ces temps-ci, dans le train ou dans les transports en commun quand je le prends. Puis je joue à pas mal d'autres affaires aussi également. Fait qu'il y a tout le temps du gaming à faire. Tu sais, quand t'aimes jouer, tu vas trouver le moyen. Mais ouais. Moi, je trouvais ça cool que... Ça devrait être sur un t-shirt, ça. C'est comme une belle phrase inspirante. Ou au moins un meme, là, genre. On devrait faire un meme avec ça. Au pire, prenez la face de Rick ou ma face, peu importe. Faites un meme avec ça. Puis hater... Sur les haters. Ok, ouais. Je suis allé aussi que ça va avec ça. Hate the haters. Faux. Calliche en Titanic, on se laisse piler dessus par du hate. Il paraît que c'est puis ça. La seule arme qu'on a, c'est du combat le feu avec le feu, man. Mais il paraît que c'est ça le sous-titre de Bully 2. Hate the haters. Ben, pis tu sais quoi, c'est malade. Bully the Bullies. On a parlé justement de Bully tantôt, où on parlait de comment, ce que dans le temps que Bully avait sorti, c'était comme From the Makers of Grand Theft Auto. This horrible game for our children. Puis là, quand tu joues, comme une heure dans le jeu, t'es comme. Merci, okay, Milton. Ouais. Merci, je l'avais déjà eu, cette conversation-là, aujourd'hui. En plus, Chris, je savais pas. Moi, je savais pas. Tu te rappelles pas comment est-ce que le monde avait hété sur Bully? Non. Mais le monde, les médias, ils avaient hété sur Bully. Oh, mais les médias, c'est mais ils avaient pas joué le jeu. CNN, man. CNN. Non, mais c'est parce que, check ça, OK? Fake Bully news. Sort. Puis comme la semaine d'après, t'as le shooting à Columbine. Non, c'est pas ça, André. Non, mais c'était comme 5 ans avant. Oui, non, il y a eu un shit. Oh, mais c'était l'anniversaire. Il y a eu sûrement un tirage ouais, à quelque part. Ouais, il y a eu de quoi. Mais anyway, ça, c'était comme... Il y en a un à deux semaines. United aux États-Unis, States. Là. Ouais. Mais hey, moi, si vous permettez, j'enchaînerai avec mais ce que j'ai fait. Juste shout-out à personne. Haters gonna hate, oui. Mega Drinker. Haters gonna hate, haters. C'est le gars qui se crosse son sofa en jouant au PC, ça. Non, j'ai... Twee qui a dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. C'est lui qui l'a écrit. Ah, c'est quoi? J'ai rien dit. C'est pas grave. On t'aime, Mega Drinker. En fait, la caméra est là. Pourquoi je pointe le chat? Hate, hate the haters. En plein ça. Il est même proud de ça. Fait que, hey, moi, j'ai juste comme bien les sujets. Puis je voulais prendre le temps d'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe en arrière de nous autres. Parce que c'est quand même cool. Ben, premièrement, la session universitaire s'est terminée. J'ai passé tous mes cours à date. Fait que félicitations. Félicitations. Moi-même. Merci. Self-clap. C'est quoi t'étudiais, là? J'étudie... Là, c'était l'éthique en gestion d'entreprise ou quelque chose dans le même. Là. Ça va bien. T'as passé le cours de... Oui, j'ai passé un cours de gestion d'une personne. Là, ben, non, en fait, plus, non. Pas, j'ai passé le cours de quelque chose que je suis même pas capable de nommer le cours. Ouais. Non, mais gars, j'ai pris... Honnêtement, cet été, là, je voulais prendre ma session d'été puis me ramasser des crédits. Fait qu'il restait un hostie d'affaires. Puis c'était j'ai ça. Cliqué. C'était fucking tough. Plus jamais je reprends un Christ de cours de philosophie, ok? Un cours de c'était philo, de la philo, là. Ça? Ben, c'était de la... Ok, je suis à l'UQAM. Ouf. On va arrêter ça là. Fait que c'était un cours t'es socio... T'es manqué ce bout-là. T'es-tu rendu queer? Non, je suis pas, pas queer. Encore, okay. Je suis pas queer encore. Puis la barbe, me rend ben, confus. Ben, c'est ça. Ben, t'es-tu allé dans ton appartement? T'es-tu fait de montrer ton safe space? Non, mon safe space, il est pas mal partout autour de moi. Je l'amène avec moi. On est dedans, Rick. Mon safe word, c'est orang-outan. Donc, non, mais en réalité, c'est ça. Fait que session d'été infinie. Déménagement. Fait que déménager toute cette belle maison-là. J'habite maintenant avec ma copine. On a un beau studio. Puis c'est un peu ça. Je voulais expliquer le parcours de ce studio-là. Parce que ça fait 5 ans qu'on a le collectif. Puis, c'est une étape cruciale pour nous autres à soir. Puis, je suis tout ému, j'ai une petite larme, moi, tu sais. Mais, non, pas encore bicurieux non plus. Arrête. Arrête. Soon, deuxième session. On ne se masturbe pas sur le sofa. Donc, il y a du monde qui vient d'embarquer, ils vont faire de quoi? Il y a du monde qui écoute le podcast sur iTunes, puis on est comme, faut qu'on pointe. La mère, Eric, est là. Fait que... Ma mère est là, pour de vrai. Cool, ben bonjour, maman Eric. Mais en réalité, fait que c'est la première fois qu'on a un espace pour nous qui n'est pas ma cuisine ou mon salon, qui est vraiment une pièce. Ou la cuisine à Eric. Ou la cuisine à Eric. Le salon à Nick. Puis, le salon à Nick, c'est vrai. Le salon à Nick, il était hot en tabarnak, par exemple, avec la murale de DVD. Ouais, non, ça, c'était fait cool. Que, écoute, là, on s'est fait un setup quand même assez fucking écœurant où je suis fier d'en être rendu après 5 ans. On a eu une petite embûche audio tout à l'heure, mais là, c'est corrigé. Il va juste me rester à repasser les fils. Non. Faire une job de fil, c'est de l'astie de merde en passant. Oui, mais... J'ai pas fini encore. Elle est popée, à date. Elle est ouais, mais il y a pas grand-chose qui traîne, puis il me reste 2-3 affaires. Fait qu'éventuellement, ici, là, il va y avoir des scissor mount que j'ai commandé qui vont arriver. Fait que ça va changer un peu le... Sur le la table porte? En réalité, la table porte, je vais percer des trous. Puis... Donnez-moi 2 secondes. Il est en train de roter l'apocalypse. Je suis en train de roter l'apocalypse. Parce qu'on a une commandite maintenant de Trou du Diable. Non, non, on aimerait ça avoir une commandite de Trou du Diable ou de peu importe. C'est ça, le cas, la bière, on veut de la commandite, c'est bien correct. On va en mettre sa table, qui est une porte, en vue. On va la boire puis on va dire qu'elle est bonne. Puis on va faire beaucoup de mentions à la bière qui est sur la porte. Beaucoup de mentions. Tu sais, la bière qui est toujours à portée de la main. Oh! Oh! Donc, oh! Faites un meme avec juste ça. Juste le gant, Chris, c'est cœur. Hein? Mais en réalité, là, tout ce que je veux dire, c'est que on va avoir certaines améliorations portées, mais... Je veux énumérer les pièces en arrière de nous autres parce que là... Juste avant que tu passes, je veux dire, je connais le gars qui a fait ça. Oui, ben on connaît le gars qui a fait pas mal d'affaires. en réalité, là, derrière nous, c'est du memorabilia que je traîne depuis quelques années. Là, je vais me tasser un peu. Puis on va expliquer ça parce que... Moi, je vais aller à la toilette pendant que tu fais ça. Parce que si ça t'intéresse. Je le sais un peu c'est quoi. Aussi. C'est ça. Non, mais je pourrais, t'en veux-tu? Mettons que tu irais chercher une bière. C'est quoi toi? Moi, c'est ma Saint-Ambroise. Moi, prends n'importe quoi dans le frigidaire. Fait que deuxième porte à gauche. C'est ça, exactement. Fait qu'en réalité, là, c'est parce que dans l'ancien local, il y a beaucoup de monde qui nous demandait qui avait fait les fameux Ninja Turtles du collectif qui sont là. Fait que les 4 Ninja Turtles... Ils ont été faits par Christian Bolanos. Fait que vous pouvez aller sur Facebook, vous allez voir Christian Bolanos. Ça, c'est peint à la main. C'est un gars super talentueux. C'est mes Ninja Turtle gangsters. Ils sont quand même fucking badass. À côté, on a l'autre cadre de Ninja Turtles qui est un peu ombragé. C'est un gars qui s'appelle Chasing Artwork. Moi, je me rappelle quand t'as pogné celle-là. Pogné à Comic-Con. Ouais. Je vais essayer de mettre un lien sur Facebook aussi. Mais Chasing Artwork, c'est un gars qui va faire beaucoup d'art digital. Fait qu'il travaille uniquement numérique. Il travaille beaucoup avec les teintes d'ombre, les couleurs aussi. Il a fait des Mega Man, des Gundam. Je pourrais te dire aussi, il ressemble un peu au style de Marie Bergeron, qui est aussi digital. Hein? Oui, mais Marie Bergeron, justement, on est chanceux parce que juste ici derrière... Je vais la prendre très tranquillement parce que je vais y faire attention. C'est une pièce qui est assez prisée pour moi. Ça, c'est Comic-Con cette année. Eric, tu peux la montrer à la caméra en faisant extrêmement attention. Fait que Marie, c'est la première année où elle a fait imprimer sur du bois. Donc, c'est un frame au complet en bois. C'est son nouveau piece de Stranger Things. Fait que ça, vous pouvez aller sur mariebergeron.com. C'est une piece fucking intense. Je suis chanceux. J'ai la deuxième sur 15. C'est comme une de mes nouvelles possessions que je chéris comme un petit bébé. Fait que ça, c'est vraiment nice. Je vais la reposer très doucement. Donnez-moi un instant. Stranger Things 2 confirmé pour le mois d'octobre. Asti que j'ai honte. Fait que ça, là, écoute, Stranger Things 2, là, ça va être débile. Fait que Stranger Things qui est là. Autour, on a un... celle-là, je pourrais pas vous la montrer parce qu'il y a des affaires à côté dessus, mais en réalité, c'est Darth Vader, Boba Fett et un Stormtrooper qui se prennent en Impala. Version gangsta un peu. Ça aussi, c'est du Christian Bolanos. On a d'autres Christian qui est là avec le Akira Daredevil. C'est sûr que là, j'ai mes pop, mes affaires de même qui traînent sur la tablette. Sacha, je viens de voir dans le chat, ton Baby Groot, il s'en vient. J'avais juste pas de cadre pour pouvoir l'afficher. Fait que le Baby Groot va être là sous peu. Fait qu'en réalité, l'ambiance qu'on voulait donner, c'est avoir un peu un petit décor en arrière, montrer des pièces locales. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent souvent où se procurer le stock. Fait qu'en réalité, ben, on va mettre les liens sur Facebook. Vous allez pouvoir aller checker ça. Y a-tu quelqu'un, je savais pas, Marie, Christian, Sacha? Ben, y a Sacha qui s'en vient avec le Baby Groot. Ouais. Le reste, c'est des, tu sais, écoute, j'ai, mettons, comme j'ai le soundtrack de Turbo Kid en vinyle par le matin. Non, mais les œuvres, je parle, œuvres, je sais tout le monde que je sais. Pour l'instant, c'est ce que j'ai là. Okay. Y a, j'ai un autre piece qui s'en vient de Mass Effect bientôt, puis j'ai une piece de Raku aussi. Rick and Apparel. Lui de Darth Vader, Boba Fett, dans la fin, j'ai déjà vu en super gros. Ouais, il avait fait une grande toile. Fait qu'il y a certaines pieces de Chris qui refait en print. J'ai vraiment c'est pas hâte qu'il refasse les Ninja Turtles en print parce que ouais. À date, ils sont uniques et originales. Fait que, ben, c'est encore plus hot. Ben, exactement. Quand il va être en print, il va pas les vendre des milliers de dollars. Ben, peut-être pas. Fait que, tu sais, moi, je veux conserver ça. C'est comme c'est mon petit velours, c'est mes petites pistes. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Fait qu'en réalité, c'est un peu ça, le studio. Ça a été une astifie de job. Puis je veux remercier Akufen Studio sur Twitch. Si vous ne followez pas son channel, honnêtement, allez checker ça. Will fait de la fucking bonne job. Stream beaucoup de Player Unknown avec nous autres, avec Max. Will m'a soutenu pas mal au niveau de mes configurations. Fait que, tu sais, OBS, tout le stock. Plugger la capture card. On s'est équipé de nouveaux gear aussi. On a tout patenté. Mais, les affaires. Es-tu au courant que tu utilises XSplit en ce moment, Will? Présentement, il est pas au courant que j'utilise XSplit, mais la raison pourquoi j'utilise XSplit présentement, c'est parce que les gens sur Facebook ont le droit de nous voir aussi. C'est vrai. Puis OBS, il fait pas deux streams en même temps, le petit Codis. Oh. Fait que, ben, puis on tu payes pour XSplit. Ben, je paye pour l'instant, mais éventuellement, je ne payerai plus. Sont chers. Hey, 200$ US pour la Lifetime License, on s'entend, là, ça... On n'a pas assez de monde sur Patreon encore. Wink, ouais, mais wink, c'est la Lifetime. Lifetime. Mais c'est la Lifetime. Répartis ça sur un jour, on combien va d'années rester... tu planifies vivre, André? Ben, écoute, je planifie vivre au moins autant d'années que je planifie streamer, tu sais. Ben, au désarroi de ma copine qui me regarde présentement, elle me compte, ça continue combien de temps cette affaire-là? Dis-toi ça, 200$, c'est 200 cher. Années, 1$ par année. Ben, c'est vrai, parce que j'ai pas le droit de mourir tant que ma licence n'expire pas. Exact. Puis avec la science, ça star, gars. Tu vas vivre vieux, là. Si Cher est encore vivante, j'en ai encore pour un bout. Mon point exactement. Mais en réalité, c'est ça. Fait que Will, un gros merci pour l'aide que t'as apporté à faire les settings, tout le kit. Le domaine du streaming, c'est fucking intense. On est un peu plus actif sur Twitch aussi également. On va faire des streams un peu plus souvent de PlayerUnknown. On fait des streams Friday the 13th aussi. Je pense, Joe, tu vas nous en parler tantôt dans ton actualité. Oui, puis j'ai fait une couple de streams quand j'ai réussi à jouer. Nice. Ouais, c'est parce que sur console, c'est ça, il y a des problèmes, c'est, je pense. Mais c'est long. C'est juste ouais, long. C'est ouais. Ça. On va et en parler tantôt. On va en parler tantôt parce que j'ai une question avec ça pour vous autres, justement. Mais bon, aussi, le stream, il host quand moi je suis Arcade MTL les vendredis. Exactement. Et quand Arcade même. Montréal nous host aussi quand ouais. On est en ligne, puis eux autres, ils ne sont pas. Pour de vrai, fait que, wow. C'est vraiment cool, honnêtement. On a une belle petite communauté. Il y a des gens qui commencent à se loguer sur Twitch qui viennent avec nous autres. C'est j'avais pensé cool. À ça en parlant de streaming tout ça, on devrait faire parce que tu sais comme tu parles de Friday the 13th, on devrait faire un événement où on invite le monde à jouer. Mais j'en parle pas encore là. Ben en réalité il va y avoir ouais. De ce type d'événement parce qu'on fait une game si on se fait une game avec 6 personnes. Ben, on fait notre fucking game, là. On n'attend pas des randoms. Le pire, c'est que présentement sur PC, j'ai déjà commencé. Il y a Sean et Paul qui écoute des fois le stream, qui est venu jouer avec moi à PlayerUnknown. C'est Alex. Exactement. Fait qu'on a un Discord, puis le monde peut embarquer. Je joue à Magic avec Sean et Paul. Bon, mais tu vois, fait que tu sais, c'est quand même. J'ai vu fou. Face à face. Les gens qui sont sur Twitch il m'a donné un présentement. Le vrai nom à Sean Paul, c'est Alex. Ouais, c'est Alex. Ben, peut-être qu'il voulait pas qu'on le dise, mais c'est pas grave. Ah, ouais. Que... Ben, Alex, man, c'est notre body. Ça brise mes. Fait que maintenant qu'on focus puis qu'on revient, les gens sur Twitch, si vous faites point d'exclamation Discord, vous allez avoir un lien pour pouvoir joiner le Discord. Vous allez pouvoir venir avec nous autres, embarquer là-dedans, on game, on organise le stock. Fait que moi, je vous invite à nous rejoindre. Les gens qui écoutent le live aussi, vous avez remarqué peut-être en bas à ma droite, votre gauche. Il y a un ticker qui apparaît maintenant en bas qui va vous donner les liens. Fait que mettons comme là c'est Instagram. Puis là après ça, ça va être une autre affaire. Ah, c'est ça qui Facebook. Saute dans les airs depuis tantôt. C'est ça qui saute dans les airs. Fait que ça vous dit comment nous follow, mettons Facebook, Instagram, Twitter. Il y en a un que c'est. Faut que j'update le logo de Patreon par exemple parce que c'est plus le bon logo. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. C'est des petites modifications. Le stock est à jour. C'est quand même cool. C'est pas mal ça qui m'a tenu occupé dans les dernières semaines. Puis jouer à Player Unknown avec Max qui fait des vidéos. Combien de chicken shot dinner? Maudit que j'ai hâte de jouer à ça au Xbox. Écoute, j'ai pas fait de chicken dinner. La dernière game était crève-cœur parce que j'étais deuxième sur la map. J'avais 6 skills. Puis la map, elle s'est refermée. Puis au lieu de tirer le gars puis dropper, j'ai droppé pour vouloir le tirer après, mais le fall damage, je m'a ralenti, puis le gars m'a shoté. Fait que c'était vraiment un esti d'erreur de cave. C'est le plus proche que t'es arrivé à ton... Ben, numéro 2, c'est bon. Non, non, mais j'ai déjà eu des chicken dinner, par exemple, mais... OK. Mais, là, ça fait un bout, j'en ai pas eu, t'sais. Moi puis Milton, on a bien hâte à jouer à Player Unknown. Oui, je vais l'acheter, celle-là. C'est ça. C'est en demi. Mais c'est ça, nous autres en passant, pas pour changer trop de sujet, mais il y a Fortnite qui s'en vient. C'est ce que j'allais parler le 21 juillet. C'est quelque chose qui m'intéresse. On l'a dans notre liste Xbox. Il est prêt. Il est prêt, puis il marche, il me gosse à chaque fois que je le vois. Ça va être fou, là, du Minecraft, shooting, tactique. Ils ont pogné State of Decay, Minecraft, puis un genre de Gears of War. Tower Defense. Ils ont pogné le character design du prochain jeu de Volition. The Borderlands, un peu, je trouve. Ah non, mais c'est Saints Row, cette affaire-là. Là. Ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, c'est quoi? C'est un petit jeu. C'est Chose Gat qui est une police, là. Ben, en réalité, c'est Saints Row. C'est rendu comme des protecteurs. Mais de... c'est carrément Gat. T'es Gat, là. C'est quoi, Tony Gat ou je sais pas quoi? Ouais, je me suis... Le chinois dans Saints Row, japonais. Johnny Gat. T'es carrément Gat. J'ai vu le trailer, puis j'ai même écrit à Rick quand j'ai vu ça comme faux. J'ai fait, man, c'est le bonhomme de Saints Row qui est dans le jeu. C'est tout Saints Row, ce jeu-là. Puis c'est un open world aussi. Hein. Mais quand je l'ai compris, j'ai fait, OK, ouais, c'est d'autres choses. Ça va être excellent, puis j'ai vraiment fucking out de jouer ça. Là, fait que ça va être quand même cool. Mais en réalité, c'est pas mal ça qui s'est passé. PlayerUnknown, c'était vrai. C'est encore ma folie furieuse. Je trippe là-dessus. Sauf que c'était tout de patenter ça. Fait que honnêtement, les dernières semaines, ça a été vraiment de préparer le retour du collectif, préparer ce soir. Ben, on a eu la chance d'aller dis les vraies affaires aussi, là, te déménager dans une nouvelle maison. Mais ça, j'ai dit au début. Okay, mais je veux pas sortir mon sad violin. Puis le monde, oh mon Dieu, il déménage. T'sais, tout le monde a déménagé. Tout le monde avec le Patreon money, c'est acheter une nouvelle maison. Ben oui, avec nos gros 30$ par mois. Ben. En passant, un gros merci à nos Patreons. Guy Amel qui vient de s'abonner. Guy, t'étais pas abonné au Twitch? Qu'est-ce que tu fais là, calice? Comment, dude? C'est ton propre show pis t'es pas abonné. Il vient de me faire remarquer, puis par exemple. Puis en plus, il vient de pogner Twitch Prime à travers de nous. En passant, on a oublié Boubaï 1-2-3, puis je pense que c'est Dan Gagné 78, quelque chose de même. Merci pour le follow, guys. Honnêtement, c'est vraiment fucking cool que vous suivez le channel. Mais en réalité, c'est ça. Je voulais prendre le temps de dire un gros merci au Patreon. Les gens qui sont sur Patreon, qui nous donnent des sous à chaque mois, vous nous aidez à se procurer du gear. Ça a l'air niaiseux, mais vous avez payé quasiment 50% de la nouvelle carte de capture. Et vous payez notre hosting audio à chaque mois, qui est vraiment fucking nice de votre part. Fait que, tu sais, les 30$ que vous nous donnez, on fait des jokes des fois là-dessus. On a tendance à faire des jokes. Des fois, sont douteuses. Des fois, sont pas écœurantes. Mais. Il n'y a rien de bon dans ces jokes-là. Dans le fond, c'est de l'estimement. C'est juste fait des jokes. Mais on vous adore. Ces jokes sont offertes seulement à nos Patreons. Ouais, tu sais, il y a juste vous autres qu'on niaise demain. Non, mais en réalité, c'est parce que chaque sou que vous nous donnez, ça aide vraiment à garder le projet en vie. Fait que moi, je trouve ça super cool. Puis, c'est même pas un follow que Guillaume y a fait. Il nous a donné un sub. Guillaume, t'es notre premier sub Twitch à Prime. VN de Twitch. Wow. Fait que live là, on a eu notre premier sub à vie de Twitch. On va se rappeler de ce moment-là. Le moment qui est pas là. Le moment qui est pas là, le moment qui est chez eux, mais qui nous aide pareil par le billet de son Twitch Prime. Fait que un gros thank you, Guy. Mais tu sais ça, fait que tu sais, les gens, si vous voulez encourager le projet, ça fait 5 ans, vous êtes pas obligé de rester 6 mois, 8 mois. Vous pouvez juste embarquer un mois, nous donner une pièce. Il y a un tip jar aussi que je vais rendre disponible, mais c'est à part Streamlabs. Je vais faire les dons, tout le kit. Écoutez, en réalité, on quête pas votre argent, mais si vous le faites, c'est de bon cœur, on le sait, puis on apprécie énormément. Ça nous permet à faire cette passion-là qu'on a, qui est le podcasting avec vous autres. Le prochain sub, je vous promets un live reading d'un Next Generation magazine. En inbox privé. Un nouveau live reading. Ouais. Wow. Je crois que je l'ai fait tantôt, j'aimerais ça. Tu le lis avec du contexte. Tu lis une revue au complet live. Non, ben, il y a des affaires weird déjà de même. Je veux pas être la personne avec les gobelins, qui est les gants blancs en train de flipper à travers. Ça serait épique. Parfait de IGA 88. Hey, le bœuf, il était 25. Tu me donnes des idées, man. Bill qui soutient la bière dans sa face, effectivement. Yes. Hey, on a l'alimente qui nous demande, ça va marcher comment, Fortnite? Oui, c'est ce que je m'en allais adresser. Okay. Ouais, vous laissez, en tant que passionné, vous avez vu, la question. Vous deux, vous avez vu le trailer, j'imagine. Oui, j'y en ai parlé pas mal. Cliff Plesinski, qui était au début de ce projet-là. C'est le gars de Gears of War, si je ne me trompe pas. C'est le gars maintenant qui est dans... Le créateur de Gears of War. Non, il est dans un nouveau jeu. Oui, il a fait d'autres choses. Il y a du Triple Jump. Puis dans la vidéo, il a fait Jump. Et ça, on a parlé le feature. Puis le feature, c'était le Triple Jump. Puis il plug vraiment en disant « Some games have a double jump. Nice. We have a triple jump. » On parle du gars, l'un des gars qui a travaillé chez Epic Games. On parle d'un des gars qui a inventé Jazz Jack Rabbit. C'est ça, quand il avait comme 15-16 ans. C'est ça. Bon, mais Fortnite. En gros, c'est 4 players. Je sais pas s'il y a du local, mais c'est 4 en ligne. Je pense pas, je le sais pas, j'ai pas confirmé, mais je pense pas qu'on peut avoir deux fois le même personnage dans l'équipe. Fait que tu sais, c'est un peu à la Left 4 Dead style, que toi tu prends lui, moi je prends elle, puis sauf que eux autres ils ont un petit peu des skills qui varient. Ouais, il y a des builders, des scavengers, c'est des ça, scouts, des comme soldiers. Comme il y a le gars qui va être normal, puis t'as le gars qui va être un tank, le gars, tu sais, la fille, peu importe là. Pis c'est un build game, un peu open world. C'est un hard game. C'est un hard Minecraft tower defense team play à la Left 4 Dead ou même Overwatch. Genre, en si réalité, on peut là, dire. C'est écoutez, il y a deux phases du jeu. Il y a la phase du jour où on se promène puis on collecte des matériaux, des parts. Thank you Anthony Lefort. T'es super cool, merci pour le follow. En passant, ma lecture, c'était ça pour un sub. Fait qu'en réalité, là, c'est ça, c'est super simple. Fait que le jour, tu te promènes, tu scavenges. Fait que tu ramasses des morceaux, tu ramasses des weapon parts, des trucs comme ça, blablabla. Le soir, ben là, c'est de la merde. C'est là que les zombies puis les Horde of the Undead commencent à attaquer. Fait que toi, puis il y a des variations, là, ça a l'air cool. Oui, il y a c'est des, cartoon, des... cartoonish Borderlands, je trouve. Genre un peu, je te dirais. Mais ça permet pour une meilleure performance. Ouais, aussi, mais c'est ça. Puis moi, ça me dérange aucunement. Là, c'est le jeu cool, le fun. Le look cell shading, mais c'est ça, c'est que tu fais des upgrades à ta base. Fait que tu vas faire, mettons, des catapultes, des fortifications, des trucs comme ça, pour essayer de toffer le plus longtemps. Faut que tu toffes le plus longtemps possible. Puis est-ce que j'ai vu ça, là? Il y a d'être très bien, très easy le crafting, si on peut dire, ouais, comme les constructions. Tu fais ton mur, tu peux décider, ben, je coupe une porte dedans. Pas je commande un mur qui a une porte déjà faite. Tu sais, ou de quoi, tu le fais où tu veux, clac, clac, clac, tu coupes. La seule affaire qui me fait peur, c'est les hosties de Voxel Games, là, que c'est genre, tu peux te mettre de crafter un pénis de 18 pieds, puis dans un bloc. Ben, si t'es capable de... Non, mais c'est parce que si t'es capable de bien te défendre dans ton pénis de 18 pieds, c'est tough à faire un pénis dans un Voxel game. Non, je parle pas. Félicitations à la personne qui le fait. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est. J'aime mieux. Je sais que je fais dans Minecraft à soi. Tu sais, comme Rust, mettons, qui est un jeu sur PC présentement. Qui a déjà les pénis à l'air au début. Mais qui est pas Voxel nécessairement. Que tu fais. Tu sais, c'est. Je veux faire un mur. Ou je veux faire un American Knight. Ou je veux faire un American Port. Ok, là, j'ai utilisé les matériaux pour le faire en bois, en roche, en métal. Ça, c'est simple pis ça marche bien. C'est juste que quand tu, genre, ah, tu veux mettre une fenêtre dans ton mur, là, faut que tu craft ta fenêtre pis t'as l'affaire. Donc, il y a une horde de fucking zombies qui arrive. Fais-moi une interface. Mais je pense que c'est plus simple que ça, là. Ça... J'espère. C'est plus une porte, mettons, une forme de porte où ta place où tu veux, t'as construit. Moi, je commence à l'aimer, Mega Drinker, man. Il dit la censure de l'art. Ouais, non, mais il y a raison. Qu'est-ce que tu sais de quoi tu parles? Moi, honnêtement, à soir, je pense que je vais me faire une base en pénis dans Minecraft. Juste pour André? Juste pour toi. Puis je vais streamer du late peux-tu Minecraft. Peux-tu t'appeler Casa de Andy? Sûrement. OK, ça, bon, ben là, c'est fait. C'est... Ouais. Oh, yes. J'ai déjà hâte à, dans Crackdown 3. It's done. Je vais aller à mon premier mur d'asphalte. Je vais carver un pénis dedans avec mon fusil pour que le pénis tombe après. Ça me fait penser quand on jouait à... Ça va être long, ça. À Ark, il n'y a pas longtemps, sur l'ordi. Milter, tu n'étais pas avec nous autres, mais sache que notre legacy continue. J'ai créé un bateau, puis moi, je faisais... Pendant que tout le monde craftait des bases puis allait tamer des dinosaures, moi, j'ai fait le plus gros bateau possible, puis je me promenais en faisant jouer à Toon the Love Boat. Puis le bateau s'appelait la calèche de la mer. Calèche, j'aurais voulu être là. Oui, la calèche de la mer. Il y a quelqu'un qui la connaît. Fait que, en réalité, tu vois, c'est que tout le monde sont comme « Hey, let's go, j'ai pogné un triceratops, t'as l'affaire, puis... » Puis moi, c'était genre, hey, j'ai rajouté une chaise sur le top de la calèche de la mer. Fait qu'on peut regarder la vue en se promenant. Puis, ouais, non. Fait que. Ouais, y a-t-il un mode dans Dans ce jeu-là, y a-tu un mode de Battlegrounds encore? Pas dans Fortnite, là, mais dans Ark. Dans Ark. Ben. L'extension, c'est-tu ça ou. Non, ben, l'extension qu'ils ont faite, c'est Scorchlands, qui est un autre map. Un autre map dans le désert. Mais il n'y a pas de game mode de... Ben, en réalité, le jeu est. C'est le même. C'est le jeu même. Est un PvP Battleground. Ouais, mais. Parce que moi, tu sais, quand on parle des PvP Battleground puis de les Survival Games, un petit peu de ça, les Battle Royale, ouais. Je vais toujours m'appeler mon premier Battle Royale, c'était Minecraft. Puis je pense toujours que ces genres de jeux-là, comme Ark, sont bons pour faire ça. Donne-moi 30 secondes, faut que je me concentre. Chatikofiski Bouliski, merci pour le follow. Shout out. Dude, man, good job. J'espère que j'ai pas massacré ton nom. Ça, le like, c'est arrivé en parlant des pénis. Certainement, de 18 pouces. 18 pieds? C'est Chad Fiskibulski. Écoute, Survival of the Fittest, guitariste, il nous dit, Max, il nous confirme que le mode de Battleground, c'est Survival of the Fittest. Ah, il nous confirme aussi également, en nous susurrant à l'oreille, que c'est de la merde. Ah oui, puis il a dit, c'est de la merde. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Guys! Parfait. Ben, Fortnite, on l'a-tu bien expliqué? La limite est encore là. Confirme-nous, c'était peut-être à la hauteur de tes attentes. Mais non, regarde le trailer. Dans sa run de Fortnite, ça c'est juste pour t'aider, Miltor, à construire ton sujet. Dans sa run d'acheter Fortnite, il a aussi acheté Dead by Daylight, oui. Et Friday the 13th. Ça, je peux te l'expliquer d'une façon. Les deux, non? Ben, j'ai pas juste ça. Ouais, that's mais... solide mise en scène, Eric. Ouais. Mais tu vas voir, là. Ben, je m'en rappelle, il m'en avait. J'ai acheté Dead by Daylight parce qu'il était 30$. Il était moins cher que Friday the 13th, qui était 40$. Et j'avais entendu beaucoup de bien. Ah, merci en passant. Pour Dead by Daylight. Fait plaisir, Rick. As-tu remarqué tantôt que j'ai pas dit merci pour Forza? Mais en tout cas, je jouais à Dead by Daylight puis tout, parce que je l'ai acheté, je parlais avec du monde dans un groupe privé que j'ai sur Facebook. Écrivez-moi une box pour peut-être le joindre. On jouait en tout cas. Assez hardcore? Puis non, c'est... non, c'est... Un groupe Xbox francophone, en tout cas. C'est des chums. Mais tout ça pour dire que je jouais à ça, puis je trouvais ça cool. Mais? Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Quand pis, tout à coup? Le petit quelque chose, ben c'était... L'ambiance? La finition aussi, ouais. Ben, non, mais c'était comme trop tout le temps pareil. Tu sais, ils disent c'est des maps random generated, puis tout, mais c'est comme... C'est quand même toutes des bouts de foin. Puis... C'est tout le temps pareil, mais tu t'es dit, je vais acheter Friday the 13th. Ouais, mais c'est ça. Puis là, je me dis, ah, me semble sûr que l'autre me ferait plus de fun. Ou quoi, peut-être c'était juste le skin de Friday the 13th. Je l'ai acheté, puis Chris, que j'aime plus ça. Ben oui, sérieusement. Oui. L'autre, il est bon, mais il manque de quoi, je trouve, puis, tout le c'est temps. C'est drôle, hein, parce que tu mentionnes ça, parce que j'ai vu l'expérience de toi qui les achètes. Ouais. Puis toi qui achètes Dead by Daylight. Moi qui parle avec du monde qui ont travaillé, parce que Dead by Daylight c'est un jeu à Montréal aussi, hein. Don't forget, là, je pense que c'est fait Friday à Montréal. C'est ça, fait que Dead by Daylight c'est un jeu qui est fait à Montréal par les mêmes personnes qui ont fait Scalar. Je vais vous laisser figurer tout ça par vous-même. Google. C'était pas le seul film où ce que. Non, le gars avec Roy Dupuis. Non, mais le gars il revenait dans le temps pour se tuer lui-même, Bruce Willis. Ça, là, c'est Sliders. Ah, excusez. Ils ont fait Scalar puis ils ont fait Wet. En tout cas, je vous laisse faire vos propres délais. Wet, c'était correct. C'était ouais. Mais ils ont fait que Dead by Daylight, je joue, puis là, j'attends une mécanique de fou, puis là, je me rends compte que c'est juste un deathmatch spécial. C'est un jeu, c'est joué à cachette, dans le fond. Ouais, mais là, après ça, quand j'ai joué à Friday the 13th... Qui est aussi joué à cachette. Mais plus fun, puis avec des touches du film, puis les graphiques nettement supérieurs aussi, là. Et les gens qui disent... Comment il dit ça? Il dit, c'est de la merde, tout le temps une map. Non, il y a trois maps. Tu t'en rends juste pas compte. Puis c'est des grandes maps aussi. C'est ça. T'es en train de fouiller dans des chalets pour pogner du shit. Pis... Non, mais on parle-tu des affaires vraiment intéressantes de ce jeu-là? Check ça, OK? Hey, Jason, puis quand tu pognes le monde, il faut aller hooga, hooga, hooga, en arrière. Ben, soit ça ou ben juste... Ça, j'ai pas fait ça. C'est un des jeux qui, modernement, utilise très bien le voice chat feature. Oui. Parce que... Dans Friday the 13th, si tu es un des guidance counselors, ouais. Dans le fond, ben, c'est-tu guidance counselor? Un counselor. Un counselor, ouais, un counselor. Un guidance, je pense pas qu'eux autres font bien bien de guidance. Donne pas de suggestions. Un camp counselor. Counselor. Merci, Eric. Fait que c'était un camp counselor. Tu, un moniteur de jour. Un moniteur de camp. D'accord. Mais pas de jour, un moniteur. Shout out aux fripouilles. Tu te promènes, puis le voice chat qui est vraiment bien fait, c'est que si tu parles, ben le monde autour de toi t'entend dans un certain range. Mais Jason te voit sur la map aussi. Si tu parles, t'apparais plus facilement. Ouais. Si tu cours, t'apparais plus facilement. Et tu peux trouver des radios dans le jeu. Tu pètes des là, fenêtres. Quand tu parles dans le CB, les autres peuvent t'entendre à une plus grande distance, mais Jason te voit encore. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que quand t'es Jason, ben fuck le push to talk, t'ouvres ça all the way, puis tu fais ce que j'ai fait, tu cours après un gars qui a un accent punjabi qui vient des States, puis tu lui dis « chante du Bon Jovi, sans ça je te tue ». Fait que tu cours après un gars qui fait « It's my life », puis c'est le seul bout de la tune qu'il connaît, puis t'entends juste ça courir au loin avec un accent fort prononcé punjabi, puis finalement tu le laisses partir parce que le gars il est cool, t'en trouves un autre, puis il dit hey, « moi aussi je vais chanter si tu me laisses la vie sauve », puis tu fais « fuck you, t'es pas original », puis tu le tues. T'es pas original, t'es pas de notre race. C'est moi qui demande au monde quand chanter ici, Chris. Ou tu fais la voix de Pierre Bruno, tu te dis « bonjour Colette ». J'ai réussi mon premier match hier, moi, pis c'est drôle qu'on en parle, parce que je t'en parlais ouais, hier. Live. Je te disais sacrément, je tombe jamais sur des games. Puis là, je t'entends de parler à Milton en texte, puis là... Le dernier message que j'ai envoyé, c'était comme « Fuck, je trouve jamais de game. Si tu m'ouvres, je trouve jamais de game dans ce jeu-là. » Là, je pogne une game. Deux minutes après, je vois « Oh, je l'ai une game! » Mais c'est ça. Puis là, je suis en train d'y dire. Puis là, je dis « Ah ben, quand une game, elle embarque, est-ce que c'est malade, cette affaire-là? Ben » oui. Puis je te niaise pas. À un moment donné, je suis là, puis je ramasse le téléphone juste pour parler avec Milton encore. Puis je me lève la tête, puis je vois Jason, je suis comme « Fuck! » Ouais, mais c'est comme « Pourquoi tu m'écris? » Là, je me rends compte que Jason marche là. Le gros enjeu de ce jeu-là, puis tu sais, les devs en ont parlé, puis c'est un des jeux où c'est un peu plus le fun sur PC parce qu'ils peuvent mettre les patchs rapidement. C'est la seule limite. Puis, d'un autre côté, ça, c'est vraiment une affaire pour protéger les gens sur console ou pour empêcher le monde de jouer avec des copies aussi. Mais c'est que avant qu'un update soit pushé sur console, faut qu'il passe. Le... Microsoft doivent l'approuver ou Sony doivent l'approuver, ou etc. Fait que le procédé de patching est beaucoup plus long sur console. Fait que c'est pour ça que, malheureusement, ben, t'sais, le jeu il est parti, il a eu un énorme succès. Ce que ça a fait, c'est que les serveurs rushaient au bout. Ce qui est cool en plus, c'est que si le monde avait joué pendant cette période-là, comme moi, j'ai eu un skin. Moi, moi aussi, de je Jason, l'ai eu. Je l'ai vu en vidéo. Que, ben, tu l'as, Rick. Un Jason mauve 8-bit. Tu l'as. Cool. Avec la toune de Jason en 8-bit. C'était comme Guinness, un cadeau qu'ils ont donné. Pour les. Tu sais, gratuit aux gens. Ouais, mais c'était fait, un comment qu'ils appellent ça dans le Kickstarter? C'était un. Dans l'échelle. Ah, c'était C'était un des prix, là. Un des prix de Kickstarter. S'il se rendait à tel niveau, il faisait. Il avait appelé ça genre The Game That It Should Be, It Should Have Been, genre. Ouais, de quoi de même. Fait qu'en réalité, tu sais, c'est ça. C'est juste ça qui est plate un peu parce qu'il y a beaucoup de monde qui se décourage sur console présentement, mais c'est un crise d'abord. C'est vraiment le fun. C'est juste cool. Mais moi, j'avais de quoi là-dessus, là. Puis je veux que vous m'expliquiez votre point de vue là-dessus. Quand tu cherches une game online, ouais. Tu peux des fois mettre tes settings, si on peut dire, tu sais, moi, je veux telle map ou je veux tel nombre de joueurs, whatever. Ouais. Ça, je peux comprendre que c'est tough si tu veux exactement telle map, des joueurs francophones, 8 absolument, tu sais. Ouais. Mais quand tu fais random partout, je m'en crisse d'être le tueur, je m'en crisse d'être un counselor, je me fous de la map, je veux juste jouer. Ouais. Pourquoi que les serveurs ils rushent tant que ça? C'est comme si tu dis comme give me anything là, tu sais, n'importe quoi. Là. C'est à cause qu'il n'a pas été patché encore parce qu'ils ont eu ce problème-là, c'est que d'un, les serveurs ont lagué au début. Moi, ouais, mais là, ils ont eu une patch. Moi, cette fois-là, là, c'est là que j'ai fait comme waouh, j'ai joué toute la fin de semaine, double XP en plus cette fin de semaine-là. Grosse affaire, tout allait bien. Puis là, à cette heure, les seuls moments que je suis capable de join une game. C'est quand je vais dans ma liste de genre players que je viens de jouer avec, là, ou de quoi, là. Puis je vois les Québécois, des fois, puis je fais comme tout, join game, tu sais, genre, ou de quoi. Ouais. Puis sinon, là, ils se connectent. Mais je pense que c'est location-based, tu mentionnes ça, parce que moi, hier, ma one game que j'ai rentré dedans, ever, parce que je lâchais avant. Ben des Québécois, genre. C'était rempli de Québécois. Ah ouais. Puis je me rappelle, je comprenais pas le jeu, je trouve la radio. Puis là, je les entendais me parler, puis ils sont en train de me dire comment est-ce que j'étais en train de faire de la merde, puis que je faisais fuck all, puis ah, il a pogné ça, mais qu'est-ce qu'il chie? Il fait juste m'attendre au bateau, il fait juste m'attendre au char, je comprenais rien qui se passait. Fallait-tu mais c'était tous des Québécois. C'était tous des Québécois. Ah ouais. Mais je sais pas, c'est, j'ai l'impression que... Les chances que ça soit tous des Québécois... Ah, ça m'est arrivé souvent, ce jeu-là. Ben, tu sais, je pense que pas mal, tous les jeux modernes ont pris... Ils vont comme préférer la région. Ben oui, mais c'est sûr parce que ça l'aide pour la connexion. Moi, je te dirais, dans un sens. Je trouve ça dommage un peu parce que c'est un jeu que les gens vont se décourager à cause des problèmes. Ben ouais, mais c'est ça. Mais tu sais. Puis je comprends pas, excuse, je comprends pas pourquoi que c'est dans le menu de Top Paid Games. Là. C'est comme, oui, le monde la jette, mais c'est quoi? Il dit juste parce que le monde la jette. Après, vous le dites. Tu sais, il fournit pas. Puis c'est un jeu en ligne. Puis en disant ça. Le Dead by Daylight, là, pas bien ben mieux le côté connexion. Là. Sérieusement, là, quand à un moment donné, je voulais jouer un jeu de même, genre, ça faisait 25 minutes, j'attendais pour Friday the 13th, j'ai essayé l'autre, j'ai attendu une autre demi-heure, puis je m'ai pas connecté non plus. Ça, c'est la gamique un peu du Early Access. C'est plus Early Access, là, mais c'est Early Access. Ouais, parce que c'est pas Early Access, ça, là. Ben, oui puis non. C'est quand ben, ils disent pas que c'est Early Access. Non, mais ben, Friday the 13th, je pense pas qu'ils considèrent ça. Qui va arriver éventuellement. Qu'ils disent. Il y a ci, puis il y a ça. Pis... Mais tu sais, gars, moi, honnêtement, là, dans les dernières années, ça va être ce que quoi, j'ai remarqué, c'est que, tu sais, le monde talk shit sur EA, le monde talk shit, mettons... Qui talk shit sur EA? Mass Effect! Les faces étaient tout croches, le kit, mais le jeu il marchait au moins. Ouais, mais il était tout racisé. Ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a. Tabarnak. Fait que, mais en réalité, tu sais, c'est que. Mais c'est ça, monde, pareil qu'ils ont le dit. Le monde déteste bien les affaires, mais en réalité, t'as des jeux de même où. Calice, man, tu sais. Je comprends, là, gars. Ta première excuse, c'est. On a eu tellement de monde que les serveurs ont planté. Good for you, fair man. Enough. C'est pas un bout qui est sorti. Mais réparé, là. T'es dans les top sellers. Là. Fait que, tu sais, à la limite, là. Et... Prends. Jette un autre serveur. Ouais, ben... Quand c'est un jeu qui est strictement en ligne, c'est des choses qui arrivent. Ben, ouais, mais faut que tu livres pareil à un moment donné. Ouais, mais je comprends, y a, la première semaine. Qui okay, arrive, le oui. Le premier mois, t'as pas eu le temps d'envoyer ton update pour que Microsoft l'approuve. OK. Ouais, mais c'est même pas une question ça d'update. Fait deux mois, là. C'est une question que tes serveurs, a.k.a. des gros barils d'eau, tu n'as pour 3 litres. Puis là, du jour au lendemain, ton 3 litres est en train de déborder tout le temps. Il te faut d'autres ben, barils. C'est, ça. Ouais, c'est du hardware. Quel là, genre de baril qui tient juste 3 litres d'eau? Pour Xbox, là, pourquoi on a ce problème-là au Xbox? On n'a pas le Azure. C'est pas un métro, ça. Non, c'était quoi le pas le Xbox. Non, mais au Xbox, c'était les serveurs là, illimités là, qui s'en venaient. Là. Ça fait, ils en parlaient tellement longtemps. Ah, c'est le power of the cloud. Ah, l'affaire qu'ils se sont fait bloquer. Le petit trombone qui me dit comment corriger mes fautes dans Word. Non, mais. Le petit trombone. Mais en réalité, moi, tu vois, je pourrais pas te dire ce que j'en pense de ce problème-là parce qu'à date, Friday the 13th, c'est tout le temps les custom games que je joue avec le monde. Souvent, là, tu sais, dans le Discord du collectif, tu level up dessus pareil au moins. Ouais, tu level up dessus. Ça, c'est cool. Ça, c'est une raison pourquoi que j'aimais moins Dead by Daylight. Quand tu fais des games d'amis, là, ou fuck you, genre. Fuck, moi j'ai la merde, c'était c'est Azure. C'est comme tu fais Survive with Friends ou whatever, en tout cas. Ouais, oui, Azure, je savais, j'ai dit Azure. Ouais, mais il est pas crédible. Fait que, mais c'est ça, mais honnêtement, les games que t'as joué, par exemple, le jeu est hot. The Friday? Oui. Oui. Moi je trouve Friday, c'est le problème, c'est que je peux pas jouer assez. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est le plus. Même problème pour moi quand j'ai joué. Puis comme c'était réel comme plainte que j'avais avec Milter hier, j'étais comme fuck, ça fait. Il l'a acheté quoi, 2 semaines passées. Ouais, plus que ça, même. Puis un à mois. Chaque fois, tu sais, je me login pour un jeu. Moi, la minute que ça prend 3, 4, 5 minutes pour login dans un serveur, là, je suis comme fuck off, je vois personne qui join. Je suis comme de la merde. Puis quand tu rentres, hier j'ai rentré ma première fois, est-ce que c'est de bon jeu? Mais ton Dead by Daylight, j'ai rentré dedans une couple de fois. Puis je me suis amusé les fois, mais je trouvais ça cheap un peu. Ouais, il y a quelque chose. Ben, tu sais, c'est parce qu'il y a quelque pas la même manque. Finition dans le genre de ouais, coquerelle de... qui vient me pogner puis qui m'accroche ses X à chaque c'est fois. C'est ça l'affaire, tu te fais juste. Le but, dans Dead by Daylight, c'est. T'accroches, je pense, des crochets. Tu fais rien que il fait rien que te mettre sur un crochet. Pendant que les autres, ils réparent les moteurs. Les autres, ils essaient de réparer pense. Des génératrices. Ouais. Tout le temps. C'est beau être random, la génératrice, la crochet sont pas à la même place. Tout le temps pareil. L'autre. Tu te promènes dans les camps, tu barres des portes, tu fouilles des tiroirs, tu communiques, tu amènes la batterie de char, la batterie de bateau, Appelle Tommy Jarvis, appelle la police. C'est nice, man. Tommy Jarvis en t'sais, passant. Puis vous, là, vous connaissez comment tuer Jason dans le jeu? Ouais. Ça, c'est quand même nice. Il y a une vidéo là, en ligne. Là. Il y a des étapes parce qu'il y a comme comment un champ. Comment est-ce qu'on tue? Dude, check ça. Okay? Je me suis fait tuer vite en essayant de tuer. Faut qu'une struggle, mais tu premièrement, une fille player. Une fille player, faut que quelqu'un soit avec Tommy Jarvis. Puis. Ah, oh, j'ai callé fille... Johnny Tarvis avec sa radio. Là, Johnny Tarvis. Johnny Tarvis. Hi, I'm Johnny Tarvis. Welcome to Jackass. Mais je l'ai callé. Je l'ai callé sur le CB. Puis ça dit qu'il was on his way, genre. Mais en réalité, c'est parce que quand tu quand calls, il est on his way, c'est ça. La prochaine personne, à l'exception de toi... Oh non, c'est random. La prochaine personne qui crève, random, va devenir Tommy Jarvis, puis revient. C'est comme Tommy un second life. Il a le 12, puis il revient, puis lui, il a le 12, puis il peut t'offrir. Le pire, c'est que je meurs pas longtemps après, puis j'ai juste quit. Ben, t'aurais peut-être pu revenir. T'aurais attendu un 5 secondes. Non, mais en réalité, t'aurais revenu tout de suite comme Tommy Jarvis. Ben, il y a un petit 5 secondes, des fois, genre... En réalité, OK, fait, ça te prend un personnage féminin qui va dans le shack à Jason puis qui vole le coton ouaté de sa mère. Le chandail de sa mère, ouais. Fait que là, ce personnage-là féminin revient. Parce que le chandail de la mère de Jason, tu peux l'utiliser, c'est un special perks. Puis Jason, ben, ça le met, carrément. Jason, il fige. Il tombe à genoux puis il fige. Ouais, ben tu y parles. Mais pourquoi qu'il fige? Parce que tu sais, il pense que c'est sa mère. Ouais, mais c'est comme dans le film. Non, dans le 1. Dans le 1, c'est pas ça. Mais dans le 2... Okay, on joue Friday the 13th ou Friday the 13th 2? Friday the 13th. OK, là, on est perdu. Là. Ça dépend quel bonhomme que tu prends. Oh, excuse, c'est-tu un spoiler? Focus, Eric! Les Jason que tu choisis... T'as pas joué Jason, Rick? Calé, je fais juste dire que dans Friday the 13th, le film, c'est la même. Oui, mais t'es là. Mais non, mais ça c'est... marche aussi, calé. Mais c'est part 1, t'es choisi ça. Quel tu veux, là. Fait que... Il va avoir Jason X, j'ai dit ça de même, à là. À parité... Aparté. Freddy aparté, va apparaître. Peut-être. Anyways. Aparté. Fait que la fille. À part de ça. Jason s'agenouille et est figé parce que sa mère a dit. Ouais, mais il parle. Comme dans le film. Tommy Jarvis le enlève son masque puis calisse une shot de machette dans la face. Puis Jason crève. Les chances que ça arrive. C'est rough. C'est rough en nasty, man. Puis. Mais quand ça arrive, c'est magique en tabarnak. Quand ça arrive, t'as un achievement, t'as des XP de Mongol, pis t'as du fame. Fait que Xbox, ton achievement, ça paye avec un son spécial pis le diamant? Probablement. Ah, oh, yeah. Probablement. Ah, oh, c'est plaisant que ça l'arrive. Fait qu'on va l'avoir juste si on s'arrange tout le monde ensemble, des amis, jouer une game pis dire. Hey! Parlant t'es Jason. Chanteur ta Fireproof. What's up, Fireproof 83? Bonsoir. T'arrives quand même dans un bon moment du podcast. Mais on parlait d'achievement. Vous avez vu aussi le leader mondial du Gamerscore de Microsoft a perdu son titre. Ah ouais? Ouais, il s'est marié. Puis en allant à lune de miel, le runner-up l'a clairé. Genre, pendant que lui était parti, il y a des jeux qui sont sortis. Fait que le runner-up, il a fait assez de Gamerscore pour le tasser. Puis sa réponse, assez épique. Il dit, ben ouais, je vais peut-être essayer de regagner mon titre à un moment donné, mais présentement, je suis occupé à avoir du sexe. Ah. Mais le pire, c'est que ça. Moi, j'aimerais essayer de le runner-up en disant, j'ai aussi du sexe. Ben c'est ça qui arrive. Mais tu sais, c'est comme. D'où tu viens de te marier, t'as un record Guinness de kit. Vraiment. Ouais, c'est parce qu'il n'avait jamais eu avant. Ouais, c'est ma première affaire, j'ai lu ça, j'ai fait. C'est bien triste, tabarnak. C'est bien triste. Tu sais, c'est comme calice. C'est quoi? Il a fallu que... Elle l'a marié à cause de ça. Ouais, elle a fait comme fuck. Dans le fond, c'est une vieille cougar qui a fait je vais y voler sa virginité. Le gars, il a du Gamerscore, le mongol. C'est clair qu'il va avoir de la sex drive. Ça doit être rentable, ça. C'est ça. C'est du Gamerscore, je peux pas payer chez Costco. Il y a sûrement de quoi faire de l'argent avec ça. Oh my god. Fait que Friday the 13th, on l'achète. Dead by Daylight, on. On passe peut-être à côté. On le pogne ça en vente? Probablement, mais ouais. Si tu tripes vraiment beaucoup sur l'autre, puis t'as le level cap partout, puis que t'as plus de fun. Fait que tu pognes Friday the 13th. Moi, je le prendrais en tout cas. Ouais, Friday the 13th. Moi, je l'ai joué, puis c'est. J'ai joué une fois, puis c'était très bon. Moi, je veux juste mentionner de quoi. Avec le chiffre 13, je vais faire un segway vers une série que ma femme m'a un peu forcé à écouter. 13? Sur 13 Netflix. Why. Non. 13. Juste 13. Yeah, l'affaire inspirée du jeu d'Ubisoft? Non, pas en tout. Ah, OK. Du tout. Ça n'a pas rapport au BD? Hein? C'est britannique. C'est une Ouais, il y a un jeu de ça aussi. C'est une série, c'est un jeu de ça. C'est un BD, le 13X. X-13? Non, ça n'a aucun rapport. Okay. C'est une série sur Netflix de BBC. Okay. c'est l'histoire d'une fille qui s'est faite kidnapper quand elle était jeune. Puis, 13 years later, elle pousse. Puis le gars l'a kidnappé tout ce temps-là. Puis, tu sais, elle se pousse dans la rue, la police arrive, nanana, là, t'es la petite fille. C'est comme un peu la Jolene Rindeau, là, ou le whatever de nous autres, là. C'est quoi les autres, Cédrica? OK. Puis, mais tu sais, oui. C'est comme ça un peu l'histoire. Puis c'est comme si Cédrica, ben, il la retrouvait vivante à la place, puis elle est 13 ans plus tard. C'est des super pouvoirs? Non, malheureusement, c'est ça l'affaire. C'était vraiment plate. C'est ça je veux dire au monde, écoutez-les pas. Ma femme, elle s'est fait dire par du monde genre que c'est une très bonne série, mais tu sais, c'est le genre de monde qui écoute ici Radio-Canada, là. Tu sais, fait que t'es comme pas trop sûr si tu prends leur avis en considération ou pas. Puis là, on écoutait ça, puis c'est juste genre... Eux autres, là. C'est ce monde-là, là. Il y a comme 5 épisodes, fait que tu te dis en même temps, ça doit pas être si pire que ça, tu sais, 5 épisodes. Ah, c'est que c'est long, là. C'est comme, elle revient chez eux, puis là, t'as l'épisode, comme on n'est pas sûr, c'est-tu vraiment notre fille, ma petite sœur, whatever, puis tout. Puis t'as comme un Mulder and Scully, genre, c'est britannique. Le pays, ils me font penser à eux autres, là, la gestuelle, puis le style, puis tout. Quoi, ils font, genre, pis, la saison 8? Non, mais il y a une saison de 5 épisodes, okay, puis je pense pas qu'il n'y en ait d'autres. Puis... C'est vraiment de la marde, genre. Honnêtement, là, c'est comme s'ils disent « Ah, tu t'es pas vraiment fait kidnapper, t'étais willing. » Tu sais, ils essaient de trouver un complot, puis finalement, non, elle s'est fait kidnapper, elle s'est sauvée, puis tout. Le gars kidnappe une fille. Ils sont en train de justifier le crime. Quelle sorte de style? Non, mais c'est vraiment, là... Écoute, on est mandaté par l'État... Ah, ils disent t'étais arrangé avec le gars, genre, t'es parce que ils disent elle tombe en amour avec, mais Chris, 13 ans, là, elle s'est fait, genre, voler Stockholm, ouais, quelque chose de même. Mais en tout cas, j'ai fini, en plus, hier, la série, c'est comme pour 5 épisodes, là, c'est probablement la série qui m'a pris le plus de temps à écouter. Puis ma femme, c'est elle qui voulait l'écouter, puis Chris, elle s'endormait le 3/4 du temps après comme 15 minutes de show. Puis... gars, il y a la fin, c'est de la grosse marde, là. Ça coupe sec. Mais dire, elle crisse le feu à la maison du gars. 13 ou Gypsy que t'as écouté? 13, man. Elle crisse le feu, elle sort dehors, la police arrive, le générique part, t'es comme, what the fuck? Non, mais c'est tout son bottle d'anger. C'est weird, là. C'est vraiment weird. La toune thème, là, c'est la paix toune au monde. Ben, tu sais, comment je peux dire ça? Ça fit pas. C'est comme une grosse tune jazz happy de Diana Krall, genre, là. C'est pas Diana Krall, mais... OK, regarde, je t'arrête tout de suite. Je te mets au challenge. Écoutez pas ça. Écoute Gypsy avec Martine, puis tu m'en parleras de générique de marde. C'est-tu sur Netflix? Oh, oui. OK. Tu n'en parleras de générique de marde, tu n'en parleras de show fucking dégueulasse. Écoute 13. Non, mais c'est parce que la fuck. OK, moi j'écoute 13, toi t'écoutes Gypsy. Oui, il y a combien d'épisodes? Moi, Gypsy, en a 8. Quoi, OK. Moi, écoute Gypsy. Non, toi tu chiales pas. En fait, en s'en allant, j'annonce à ta blonde quand est-ce que Gypsy, c'est la meilleure émission à écouter en couple. Chérie, c'est pas la meilleure affaire qu'on écoute en couple. Elle est pas là. Mais sérieux, non, là? Non, mais ma blonde, elle écoute Entourage avec moi ces temps-ci. OK, ouais, mais Entourage, c'est hot. C'est moins épais. Entourage, c'est vraiment bon. Entourage, c'est comme le Ballers des années 2000. Entourage, c'est juste fucking... Ballers est pareil. C'est quoi, on va revenir là-dessus, okay. Moi, je voulais juste dire, donner un exemple de la médiocrité. D'habitude, BBC, c'est bon. BBC, c'est du solide, mais, là. Gars, pendant la toune thème, le son sur ma TV, il est à 8. Mm-hmm. Pendant l'émission, il est à 25, puis j'entends mal. C'est parce que c'est masterisé? C'est parce que c'est de la crise de marde. Il enregistre... En tout cas, je voulais juste dire, écoutez pas ça, c'est comme pourri sur toute la ligne. Je me sentais forcé, puis ma femme, j'ai l'impression qu'elle se sentait forcée de le finir aussi. Je suis pas là pour parler pour elle, mais... C'est quelqu'un qui est venu vous mettre un gun sans de... C'est comme, il y a quelqu'un qui a dit que c'était bon. C'est comme je te dis, un ami sûrement Radio-Canada, puis... ces affaires-là, là, puis je sais pas. Elle a écouté 13 Reasons Why. Ouais, ça, elle a super gros aimé ça, elle. Moi, je l'ai même pas écouté, je voulais rien savoir. Non plus. Mais c'est comme quand j'aurais écouté ça 100 fois plus, je pense, que la série britannique de marde. Moi, tu vois, regarde, en parlant d'entourage, là, on vient de me faire penser, là, tu sais, Entourage, Pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez ça, HBO, c'est une série à 8 saisons, si je ne me trompe pas. Ils sont rendus à 8? Ben, ils ont fini, là, c'est fini. Ouais, mais c'est, ils se sont rendus à 8. Mais c'est à propos Mark Wahlberg qui a écrit et réalisé, écrit et produit. Ben, c'est inspiré de c'est sa ça. C'est inspiré de l'arrivée de Mark Wahlberg à C'est drôle à dire, pareil, je trouve. Pis c'est quand même cool, tu sais, c'est la vedette Vincent Chase, Mark ses Wahlberg. Amis, puis tout le kit. Puis le rise and fall un peu de la vedette, etc. Sauf que rise and ultimate rise aussi. Ouais, ben c'est ça. En tout cas, c'est le mega rise and fall. C'est bien écrit, c'est bien fait. En fait, c'est le rise and fall of Johnny. God, this oui, man. Mais fait qu'en gros là, la seule affaire c'est que tu sais, entourage. Ça fait longtemps de ça. Là, c'est 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. En tout cas, anyways. C'est weird de réécouter ça aujourd'hui parce que, tu sais, de leur point de vue, il y a des affaires que ça fit plus. Puis tu vois que c'est filmé du point de vue des vedettes de Hollywood. Comment ils voient les choses, comment ils vivent les choses, comment ils font les choses. Puis ça fitterait plus dans le modèle actuel. Avec l'arrivée du digital, avec l'arrivée de plein d'affaires, on dirait que ça a changé la donne il en tabarnak. Il touche là. À la fin. Oui, il à touche la un fin, peu. Ça commence à ça évoluer avec ça. Là. Puis c'est juste... Mais c'est le fun. C'est un gros fucké, mélange entre t'sais. Les deux. Il ouais. Hey, y a même un épisode, je pense que c'est saison 6 qu'on est rendu. Puis on écoutait. Puis tu sais, un moment donné, t'as Vincent Chase qui fait comme « Yeah, I'm on this Facebook thing. » Ouais, c'est ça. Puis il est comme en train d'ouvrir son compte Facebook. Puis je suis comme « Wow, OK, man, c'était avant ça. » Tu sais, la perception des vedettes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, toute la kit. Il pogne des filles à fourrer tout de suite, là. Oh oui, ben tu sais, lui, c'est comme la première affaire qu'il fait sur Facebook, c'est genre, « Hey, elle est cute, puis je vais aller parler. Pis... » Fait que tu sais, c'est vraiment, comment je peux te dire, c'est que c'est weird de voir un peu ce genre de série-là que, moi, dans ma tête, je suis comme entourage intemporel, man, ça va toffer tout le temps, c'est super cool. Puis finalement, c'est encore très cool, mais... Chris, il y a des bouts, je fais comme fuck, man, c'est vrai, le monde faisait ça, tu sais. T'as un moment donné, t'as Turtle qui a un Nokia Engage, man, pis il texte là-dessus, pis c'est un tournoi de Fight Night sur l'Xbox 1. C'est juste, c'est vraiment weird, mais c'est super cool, pareil comme télésérie. Fait que, tu sais, ouais, c'est vraiment bon. J'ai du fun avec ça, pis mais c'est cool parce que ma blonde, c'est quand même assez misogyne comme chose, je te dirais, là. Wow! Par moment. Oh, non, mais par moment, ça l'est un peu. Mais là, on s'en calisse. Mais on s'en calisse un peu, puis ma blonde, c'est ça que je trouve cool, parce qu'elle, elle l'écoute, puis comme, je m'en calisse, puis... Ta blonde, présentement, elle écoute The Bachelor, oh. Oui, ben c'est ça, tu sais, incapable d'écouter The Bachelor, en parlant de misogyne. En parlant de misogyne. Fait qu'incapable d'écouter Bachelor, puis incapable de passer en courant. C'est où, mais en réalité, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, c'est cool, des fois, de revoir des vieilles séries ou des vieux films. Puis celui-là, dans ma tête, ça m'a donné un choc, parce que j'ai fait comme « Fuck, entourage, me semble, ça fait pas si longtemps que ça dans ma tête que ben moi, j'ai c'est fini, puis j'ai fait comme « Tabarnak, OK. » Ma série qui est background, Facebook, là, si on peut dire, là, c'est X-Files présentement. Je suis rendu comme à saison 4 de toutes mes tapées. Ça a l'air de rien, mais tu sais, c'est juste comme en ordre. Tu sais, je me retape tout, puis je suis comme... C'est cool. Ouais, mais... C'est une vieille série. Des fois, tu fais « What the fuck, c'est poche. » C'est cool aussi, les gars. Quoi? Les gars, c'est les gars. Ce qui est cool, là, c'est que ben ça fait déjà 1h45 à peu près qu'on fait un stream. Ça fait déjà 1h45 qu'on enregistre un podcast. Je peux-tu juste dire un commentaire avant qu'on close ça? Un commentaire avant qu'on close ça. La semaine passée, j'étais en vacances au lac Saint-Jean. Oui. Y avait-tu du Wi-Fi? C'est ce que j'allais dire. Ils ont du Wi-Fi partout. T'as fait du glamping, toi. Sauf que, comment dire ça? Y a pas d'Internet nulle part, mais y a du Wi-Fi partout. Fait que tu vas au dépanneur, il y a du Wi-Fi. Tu vas au camping, il y a du Wi-Fi. Tu vas au zoo, il y a du Wi-Fi. Mais promène-toi au Banchard en espérant avoir du signal Internet. De tous tes voyagements, ta publication préférée que j'ai eue de tout, c'était le trou de fille. Le trou 20, de la fille, oui. Payer 20$ pour marcher 4 heures. C'était ça. Attends un peu. T'as payé 20$ pour aller marcher 4 heures, je vois. C'est comme un... OK, ça vaut la peine, j'en parle, le trou de la fée. Mais, heureusement, techniquement, l'argent sortait pas de mes poches. C'est ma femme qui a payé, mais ça revient quasiment au même. Mais... C'est une illusion. Aussi, non, mais tu sais, c'est le fait que on est allé marcher. C'est comme... Y a... Est-ce que si je vous dis au Sable Chasm, est-ce que ça vous dit de quoi? Que c'est un précipice? Ben, Oui, mais c'est genre aux États-Unis, si je me trompe pas, à Lac Placide ou de quoi de même. C'est vraiment beau. Puis je suis pas un gars de nature ou de quoi, là, tu sais, vraiment. Sauf que tu peux comme marcher vraiment sur des genres de bords de falaise avec des. Il y a un pont construit sécuritairement. Tu sais, c'est cool à voir. Tu finis ça avec un petit genre de voyage de rafting, si on peut dire, dans le milieu de l'affaire. C'est vraiment cool. Puis, ben, je trouve que le trou de la fée, c'est comme un wannabe ça. Sauf qu'ils ont comme. C'est peut-être moins, là, ou de quoi, mais j'ai l'impression qu'ils ont comme abandonné après le tiers de la job de fête, genre. Okay, on startait ça bien cool, puis après, ben, t'arrives à la cabane où tu payes 20$. First, il dit, c'est 20$. Là, après, tu dis, ouais, moi, j'ai un bébé dans le dos. Il dit, ah! Oh. C'est 25$. Dit, non, même pas. Il dit, c'est 15$, mais tu peux pas aller dans la grotte. Qui est le trou de la fée, tu sais, c'est comme l'affaire pourquoi qu'on est là. Fait que pour 15$, tu rentres pas dans le trou fait de la fée. Non, mais c'est ça, exactement. 15$, tu fais que tu promènes autour du trou. Fait que tu fais juste marauder sournoisement autour du trou. Genre. Pour 15, tu rentres pas, mais pour 20, tu pour rentres. Pour 20, tu rentres. Okay. T'as le 5$, il te donne le petit casse, pis tout. Fait que 15, c'est du foreplay, pis. Exact. Okay. Pis c'est pas le même genre de foreplay. T'as toujours d'amener ton bébé? Oui, mais pas dans la grotte. Fait que tu rentres pas avec un bébé. Non. Ça, c'est quelque chose que j'ai amené. J'ai demandé à la fille, tu sais, genre, parce que ça, c'est, j'arrive, ma femme, on se parle, puis elle me dit, va lui demander, là, c'est combien, puis tout. Fait que là, moi, je vais au kiosque. Premièrement, la fille a clairement manqué d'air à naissance, là. Ou est hydrocéphale, quelque ou chose. Elle a été bercée trop près du mur. Ben, tu sais, le monde du lac. Mais, il. Tabarnak! Ben non, mais attends, hey, j'ai un autre. Tu viens, au propos qu'ils disent à la radio là-bas, man, je t'en parlais tantôt. Mais là, Gavin, on est là, je demande à la fille, elle me dit, ça dit 15$. Je dis, ouais, mais je peux-tu traîner une poussette dans les affaires? Elle me regarde comme, oh, non, il n'y a pas de poussette qui rentre là. Je dis, ouais, mais je peux-tu, si j'ai le bébé, se trapper après moi, tu sais, avec un esti d'affaires, là, d'appropriation culturelle, là, que tu trappes le bébé après toi. Mais. Oh, c'est pas l'appropriation culturelle. Bon, non, mais tu serais surpris du. Ma femme est sur des groupes de moments, là, pis tu serais surpris si t'as des motifs bizarres sur ton tissu qui tient ton bébé après toi, là. Tu rentres pas à l'UQAM avec tu ça. Peux te faire. Ouais, tu peux te faire pitcher des rushs, man. Ok, mais, get to the story. Ben, c'est ça que je fais, Chris. Rick, écoute, à la place de me couper. Fait que là, la fille, elle me dit non, tu rentres pas là avec une poussette. Je dis, ok, mais si je le strappe avec moi, pis toi, t'as dit, bah, tu vas être correct, mais tu rentres pas dans la grotte avec. Fait que, ok, tu sais. Là, on parle. Juste avant de partir, t'as un bonhomme qui a comme plus de dents dans la gueule, il arrive. Il va vous expliquer le terrain, pis tout. Pis là, ils ont une maquette des montagnes, genre en 3D. Oui, comme le nerd, parce qu'il y a pas de dents dans la gueule, fait qu'il fave vraiment, ça la cote sur son dentier. Pis tu sais, genre le bonhomme, il a des jeans pis un t-shirt. Tu sais, aucunement, là, vraiment, il est pas propre, là. Dis-le, personne du lac. Ouais, probablement un local, là. C'est sûr, là. Un local! C'est loin, là, pareil. Fait que pour travailler là, faut que tu sois. Non, il aurait pu probablement très bien jouer. Tu sais, ouvrir des canettes de bière avec juste une dent, là. Comme... le monde qui. Clitoris. Clitoris. Ouais, c'est ça son nom? C'est ça son nom. Off you go to a woman of lesser taste! Mais il s'appelait Gino, le père. Non, Gino, c'était le guide du trou. C'est vrai. Il est également le propriétaire de chocolat favori. Je pense que tu viens de te trouver un segment coupé. Non, fuck that, man. Patreon. Mais ok, gars, arrête de me couper, Rick. Que... Fait que là, le gars, il nous parle de sa maquette. Il dit, tu pars d'ici, tu t'en vas là, tu reviens là. Tu sais, il nous raconte ça. Là, c'est comme, ok, on s'en crisse, on peut juste marcher. T'sais. Fait que là, on part. Puis c'est là que je me rends compte que j'ai payé pour marcher dans une traîne de sable, genre. Là, tu descends en bas, il y a un petit pont, pis là, tu te dis, ah, okay, c'est cool, tu sais, tu marches sur le bord des chutes, des belles montagnes, genre, pis tout. C'est beau, c'est vraiment beau. Mais comme je dis à ma femme souvent, je dis, moi, regardez de quoi qui est beau, après comme 15 secondes, je l'ai vu, who fucking cares, peux-tu faire de quoi avec? Non, c'est plate. C'est genre, tu dois être la personne la plus plate à aller au Grand Canyon avec. Ah, probablement. Moi, je serais comme. Les 5 premières minutes sont époustouflantes. Non, mais après ça, c'est comme je l'ai vu qu'on les c'est ça. Je serais là, comme on regarde sur le bord, comme oh, c'est haut, oh, man, c'est hot. Okay. On christie notre camp, faire quelque chose d'intéressant, tu sais. Puis c'est un peu ça le trou de la fille. Fait que là, on marche, mais tu sais, c'est comme un beau deck, là. Tu sais, un pont en deck, là. Tu fais comme Chris, c'est hot, c'est luxueux. Tout est smooth. J'aurais pas amené la poussette, tu sais. Là, t'arrives au bout, puis là, ça split en deux. Pis ça dit, à droite, c'est le trou de la fée, la grotte. À gauche, c'était quoi le chemin des trois chutes ou whatever, genre là. Il y en avait comme 12 chutes. T'es comme, pourquoi 3? Ça s'appelait ça le chemin des 15 chutes? Est-ce que c'est quelque chose? Ça qu'elle dit un chiffre bâtard. Mais là, on commence à monter là, puis là, on se rend compte qu'il y a comme plus de deck, là. Tu sais, là, il y a pont, et puis on monte les escaliers en roche, puis en terre, puis ça commence à être rough, tu sais. Puis là, on monte en haut, puis on regarde au loin, puis on fait comme, tabarnak, c'est pas évident ça, avec le bébé, puis tout. Fait qu'on on va retourner de bord, on va aller tout de suite au trou de la fée, tu sais. Fait qu'on part, on monte le trou de la fée. Trois fois pire, man. C'était ridicule, là. J'avais le bébé dans le dos. Fallait que j'escalade des roches, man. Genre, pis t'as des touristes en même temps qui te parlent. Que, oh, oh, vous êtes là avec le bébé. T'es quand même une crise de la va chier. Pis, en tout cas, là, tu te rends aux crises de trou. Le trou, tu dirais-tu que le chemin pour se rendre au trou est tumultueux? Man, il est très tumultueux, là. C'est le. Ardu de se rendre au trou. Le Rocky Road, ardu. Gamin, Bruno B ne se rend pas dans ce trou-là, là. C'est rough, là. On se rend là, là. C'est quoi qu'il y a en haut, esti? Une salle d'attente. Construit. Ils ont comme construit un petit crisse de spot, là. Comme chez le dentiste, là. T'as quasiment des revues sur le bord, pis tout. Là, je suis là, mais là, on a le bébé. Pis on a payé pour. Fait que ma femme a dit, moi, je vais y aller avec Trent. OK. Ça dure une demi-heure, la descente. Allez. Parce que t'as un guide, là, avec toi, là. Fait que t'as un petit jeune, ma femme est partie avec genre un petit jeune de 13 ans qui travaille là, comme tellement pas legit. Oui, c'est le guide, je capotais, j'étais comme, ouais. Lui, il est qualifié dans le lui, cas quelqu'un se casse la gueule à 13 ans. Mais il a toutes ses dents. Il a descendu là avec comme 15-20 personnes, dont mon enfant, genre, tu sais, Trent, là. Qui est aussi vieux qui, que il y avait moins de différence d'âge avec Trent que Martine, le gars. J'ai dit ça, le guide, là. Mais en tout cas, là, il descend dans le trou, pis c'est quand même genre un 150 pieds, là, creux, là. C'est une grotte, mais moi, sur le coup, ben, attends, ça, c'est ça l'affaire. Ma femme descend avec Trent. Là, il y a un gars qui est là, pis il dit, je le vois, il parle avec le guide, il dit, non, il dit, moi, je vais descendre au prochain coup, là. Il dit, je vais attendre que ma famille remonte, là. Un peu comme moi, genre. Sauf que lui, il était pogné avec un chien. Lui, il avait amené son chien. T'as le droit d'amener ton chien au trou de la fée? D'après moi, oui, mais tout le monde qui travaille là trouve ça cave. Parce que tout le long qu'il était dans le trou, t'avais Gino, mon guide à moi, qui disait, « Ah, c'est-tu des pecs qui amène son chien ici? Crise de cave, c'est-tu, pourquoi il a amené son chien ici? » Mais là, le problème, c'est avant que Gino me dise ça, c'est que le gars, il m'a regardé puis il m'a dit comme, « Ah, toi, tu restes ici, t'attends ta femme puis ton enfant? Tends-tu de checker mon chien? » Moi, pas capable de dire non comme un asti de cave, puis j'haïs les chiens en plus. Je dis, ben ouais, laisse-moi les. Fait que. Ouais, ils t'ont se laissé apporter de la bière sur le terrain? Mais, non, même pas. Fait que là, le gars, il a comme attaché son chien, puis il me donne juste une balle jaune, puis il me dit, ça c'est si, c'est narve. Puis là, moi, dans ma tête, je suis comme, il est attaché après un poteau, asti, il a un pied de lousse, c'est quoi tu veux que je fasse? Genre, qui s'énerve, je la pitche au loin, puis qu'il essaye de se pitcher là-bas, puis qu'il s'étouffe, tu sais. Fait que là, dès que le gars, il descend dans le trou, la petite chien, il se met à japper comme un débile, là. Mais vraiment un calice de débile. Fait que là, moi, je suis comme là, je donne la balle, tu sais, ou le coup, pis ça fait rien, pas tout. Fait que là, Gino, il part. Il dit, ah, c'est-tu de cave qui a amené son chien ici? Pis je suis comme, c'est pas moi. Il dit, je sais, Gino, c'est le gars pas dedans, ça. Gino, c'est le gars. Non, c'était un autre gars. C'est... Okay. Gino, il était cool. Le gars pas dedans, je sais pas son nom. Mais Gino, c'était comme mon guide, tu sais, c'est deux guides qui. Ils font une descente à l'heure, dans le fond, une demi-heure chaque descente, genre, avec leur groupe. Là, ils parlaient. Puis tout, là, il y a d'autres touristes, des Suisses qui arrivent. Il y a une gang d'Allemands. Je comprenais rien qu'est-ce qu'ils disaient. Ils s'assaient à côté. Le chien se mâche après leur kid. Fait que là, le père, il essaie d'être cool, de chaper le chien, tu sais, flatter le chien. Tout ça arrêtait plus, puis il me regardait. Puis je suis comme, c'est pas moi, j'ai le chien. Puis tout. Finalement, le gars, d'après moi, il a entendu son chien japper dans le trou, de quoi. Il est comme remonté 5 minutes avant tout le monde. Pis j'étais comme, je suis content, tabarnak, que t'aies ton chien, c'est pis tout le jour, ma femme montait un moment donné, je suis oh, God bless, tu pognes le bébé, si je descends dans le trou, je veux juste la crise de peine. Là, je suis descendu dans le trou avec mon gars qui trippe Minecraft, fait qu'on est dans un trou de garnottes, tu sais quoi qu'il fait, le gars, il parlait, il expliquait l'historique du trou de la fille, pis t'as mon gars dans le coin, toc, toc, toc, toc, toc, il fesse partout, il s'est pogné une roche, pis il est en train de creuser dans la mine, mais fait que c'était comme... Ça, c'est bon. C'était cool, pareil. Puis là, on descend, puis je comprends pourquoi qu'ils voulaient pas que j'amène mon bébé là. Là. Il y a des places... Rick, je veux pas être méchant, mais il y a des places, je pense que tu descends même pas le troisième étage. Pourquoi tu dis ça? La masse. Pourquoi ça serait méchant? Ben, je veux pas te dire que t'es gros. Mais moi, je suis un petit peu moins gros que toi, puis j'avais de la misère en Chris à passer à des places, puis j'étais comme, je comprends. Fait qu'on pourrait te dire que c'est comme étroit et chaleureux dans le trou? Chaleureux, non. Sérieusement, plus tu descends, plus qu'il fait frette. Moi, je suais à grosses gouttes en haut à marcher, à traîner un bébé. Il fait 4 degrés. Wow! Ah, le gars, le gars il me disait c'est ça. C'est froid dans le trou de la Gino, vie. Il est en train de me dire, tu devrais te mettre un coton ouetté. C'est comme, fuck you, Gino, man. J'ai un bébé strap après moi. Je suis à grosse goutte. 4 degrés, man. Selon HTML5 PHP, il rend ça combien de bières, lui? Il parle plus qu'une femme dans Chris, un salon de ils maternité. Ils m'ont pas laissé parler de toute la stitcho avec son console peasant de tout. Je peux te chialer si le monde dit lac. En tout cas, ça, c'était cool. Mais en même temps, c'était pas cool parce que tu payais 20$ pour marcher, puis à retourner du trou jusqu'à l'autre place. Hey, là, Foresta Lumina, c'était genre 10$. Man, ça, c'était cool. Attends, Foresta Lumina, moi, mon camping, puis... Ton glamping. C'est ce que je veux mentionner parce que je sais que Guillaume, il rit de moi. Lui, il dit, moi, je suis dans les hôtels, puis nanana. Parce que Guillaume, qui est pas là, il était en même temps que moi. On s'est croisé au zoo. On s'est vu, là, on s'écrivait, t'es où, nanana, pis tout. Lui, il était dans des hôtels, parce qu'il y a un bébé de 4 mois. Moi, j'ai un bébé d'un an aujourd'hui. Fait que la semaine passée, il y avait 11 mois et 3 semaines. On a pris un camping, ce qui coûte moins cher. Guillaume, est-ce que tu peux mettre le feu dans ton hôtel? Non. Moi, je pouvais faire un feu légalement à mon camping. Ouais, ton camping, puis, a l'air cool quand même. Mais c'est pas... Chalets, le monde, là. Faut qu'il le sache, là, qu'il le savent, là. Moi, je ne ferai jamais du camping dans une tente. HTML5 PHP, pour savoir si t'as fait les pierres précieuses. Non, man, j'ai passé proche. C'était quoi le camping, donc, de ça? C'est à côté de la frite mexicaine. Mais on a passé proche, mais coûte 9 piastres, genre, par à enfant. À quel moment une frite est qualifiée de mexicaine? Frite mexicaine, c'est le nom d'un restaurant au lac... qu'il y a de l'air d'un genre de McDo avec des jeux d'or, là. Parce que le McDo, là-bas, il n'y a pas de jeux d'or. Et il y a un service incroyablement pourri. Je sais pas, je peux arrêter. Ah! Je veux pas le partir sur ça. Mais lui puis Martine, pendant leur voyage, ils ont pris le temps pour écrire un review. Shitty review de mais McDo. Mais non, faut que tu remarques que Martine a écrit un shitty review du McDonald's de Roberval. Pis moi, j'ai pris tout de suite après, j'étais allé copier-coller, pis j'ai fait la même astuce d'affaires, comme, fait que deux reviews identiques, pis tout conjugué au féminin, j'ai fait exprès, genre. Oh. Mais en tout cas, tout ça, mais Guillaume qui est là, il riait de moi, parce qu'il dit, ouais, camping, il était dans les hôtels, tu sais, mais moi, je peux mettre le feu, pis je peux faire ce que je veux à mon petit camping. C'était puis cool. Lui, il peut dormir en air clim sur un beau gros. Ouais, mais j'avais un air clim, j'avais du Wi-Fi. Hey, c'était du glamping. Oh, ouais, j'avais un petit chalet, là. C'était pas dans une tente, c'était pas dans une marde de roulotte ou whatever, là. Fait que, tu sais, nous autres, on faisait d'autres choses. On allait au zoo, pis tout, pis nanana. Mais c'est là que, André, le petit lien, tu dis Foresta Lumina, mais moi, je suis allé à Anima Lumina, qui est comme le compétiteur de Foresta Lumina, mais du zoo Saint-Félicien. Fait que dans le fond, moi, j'avais passé ma journée au zoo. Puis la seule affaire que j'ai faite, c'est le soir, je suis retourné au zoo, puis j'ai refait le même trajet, mais dans le noir, avec des lumières puis des sons d'animaux, parce que c'est pas les vrais animaux, c'est des speakers cachés dans le bois. Oh, puis... C'était pas super cool. Ça aurait pu être c'est cool. C'est la question que j'ai demandé encore. Attends, toi, je vais y venir. Elle aurait pu être cool, genre, mais j'avais comme un petit gars de 5 ans qui s'endormait assis sur mes épaules puis qui se servait de ma tête comme accotoir. Fait que j'avais mal en crisse dans le dos, genre. Puis je courais quasiment au travers, genre, pour comme, ah ouais, on s'en va à l'hôtel, pour l'hôtel, au chalet, là, on crisse notre camp. Je m'ai jamais réveillé aussi raqué que ça le lendemain matin, là. Il me dormait carrément sur le cou, là, genre, toute une pâte molle. C'est beau, mais si c'était pas inclus dans mon forfait de passe que j'ai là-bas, fuck off, là, sérieux, là, tu sais, je pouvais même pas... amener un sous-marin avec moi à cause j'avais des enfants ou quoi que ce soit. Puis en plus, tu croises tout le temps guide. T'es comme, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu sors du bois de nowhere. Genre, ah! En tout cas, sinon, mes vacances là-bas, c'est quoi qu'il y a eu? Ah oui, je m'ai pogné avec un gars de Radio X, Chicoutimi. Tabarnak! Ben non, mais parce que, check bien ça, le commentaire qu'ils ont dit, puis moi et ma femme, on conduisait, parce qu'il faut se le dire, au lac puis au Saguenay, il y a 45 minutes en chaque ville, tu sais, à peu près, là. Fait que là, on se promenait, on part du camping, on s'en va à quelque part, genre à la plage ou whatever, on écoute la radio locale. Puis là, un moment donné, il y a un des gars, ils sont en train de jaser, puis le gars, il dit, « Tu te rends compte que les vacances, ils ont commencé au lac quand tu vois des blacks? » Oh, c'est à radio. Ouais, à radio. T'es sérieux? Là, j'étais comme. Voyons donc. Là, comme, je dis rien, mais je regarde Martine. Puis elle me regarde comme. Elle me fait juste un genre de signe des yeux comme. Oh, ouais, c'est ça qu'elle dit. Là, je suis comme. Oh, ouais, genre. Fait que là, j'ai comme écrit ça sur Facebook. Puis il y a un gars qui travaille chez Radio X Chicoutimi. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Qu'il a vu ça, ben il s'est mis à m'envoyer chier de me traiter de podcaster élitiste pis de dire toi t'as pas d'expérience véritable dans le domaine, t'es juste une petite merde de podcaster. Oui. Il t'a callé comme podcaster. Oui, ben élitiste. Quand tu check ma job. High five. Hey, attends peu! Il a reconnu que notre podcast est legit. Hey! Yeah! Mais j'ai dit. moi j'étais juste wow. Comme. J'ai dit, je te dis ça de même. Je dis, vos transitions musicales, c'est de la merde. Les choix de tunes, c'est pourri. Vos discussions. T'as là, envoyé c'est... ça un message privé? Non, public. Il répondu en public. Mais, fait rien privé. Mais non, c'est lui qui m'a répondu en public. Moi, j'ai écrit ça comme statut, nowhere. Mais ils ont même dit, c'est quoi l'autre affaire? Est-ce que c'était la fille listening to Radio X? Non, même pas. Comment est-ce que. Il est vu, man. I'm famous. Wow. Il me connaît, je pense. Ah, mais d'un autre côté, mais... le call qu'il a fait, c'est jambon en tabarnak. Ouais, c'est vraiment. C'était pas lui, là. En plus, lui, il défendait juste sa chaîne. Qui dit j'ai pas entendu personne dire ça, mais. C'est comme, c'est pas moi. Je m'en crie, je t'ai jamais accusé. J'ai juste dit que j'ai entendu un cave dire ça. Puis, j'ai dit après. Non, et comme Guillaume a dit, c'était sur un post. Mais. C'est comme, Mike Carly quand... qui défendait le gars. Non, pas en tout. C'était sur un de ses posts. Mais, tout ça pour dire ça. Puis, en plus, genre, il y a une. À ce petit propos insignifiant, il y a une fille, elle dit genre, moi, j'aime bien Kanye West, il y avait une de ses tunes l'année passée, que pendant la tune, tu l'entends, il répond à son iPhone, puis il parle avec le gars, puis il dit, moi, c'est la première fois que j'entends ça, un gars qui parle au téléphone dans une chanson, je trouvais ça vraiment artistique et original. Puis j'étais comme, fuck, t'as jamais entendu aucun album d'hip-hop des 90s, genre, là, que toutes les, entre chaque tune, c'est un message de répondeur. Dark Side of the Moon, que t'as un esti de juste fucking... ça. Téléphone. Mais en tout cas, j'étais comme, ah, cringe as fuck. Ouais, mais le temps fonctionne à un autre rythme dans ces sextants. Ouais. Mais en même temps, j'aime ça, entendre ça. De l'autre côté, c'est rendu de même à côté de chez nous, tu sais, dans ma région. Ouais. Où est-ce que tu peux avoir l'alcool frelaté pas cher? Ben, certainement. Il y a du moonshine chez le voisin. C'était spécial pour ça. Sinon, personnellement, je serais allé ailleurs, moi, pour mes vacances, mais pour les enfants, c'était bien intéressant, puis c'est ça. Moi, je serais resté chez nous, pas d'enfants, jouer à Minecraft, genre. Tu veux des vraies vacances. On close un show après ça. Non, mais on closait. Je peux te dire de quoi? Je peux te dire de quoi? Quelque chose avant qu'on close. Rick est non, d'accord. Non, si, ça vient de faire ça, puis tu me Minecraft Fallout 4. Le skin, le patch, là. Ouais. Beaucoup plus hot que Fallout 4. Ok. Just saying. Il me set up pour. Y a-tu que... un Preston Garvey? Non, c'est parce qu'il me set plus up. Plus qu'un. Il y a 44 skins, dont Preston. Parce qu'il me set up. Il veut que moi, je dis que Minecraft avec le skin de Mass Effect, c'est mieux que Mass Effect Andromeda. Oui. Ah, oh, c'est tabarnak. Man. Non, mais... Bon, ok, ça va faire là. Parce ouais. J'ai plus de bière. Ça fait 2 heures. On vient de chier sur Mass Effect. On vient de chier sur Radio X. Puis Mass Effect. Pas Mass grave. Là. Là, ça va faire, Asti. Bon, ok. La fille, en plus, ça s'appelait Bénédicte quelque chose. Mais c'est correct, ça. Non, parle pas là-dessus. Non, mais. T'as assez causé de dommages, ça. C'est soir. Juste weird. Bon. À JTV, t'es. Ben. Bonjour. Bonjour à toi aussi. On fermait le show, en fait. Je m'excuse. Lui, il est en France. Il est comme 4 heures du matin. Fait que, live là, t'as peur. Calice, man. On vient d'insulter une région, une radio, tout le monde qui s'appelle Bénédicte. Puis moi, faut que je close le show. Puis je dis au monde de liker les pages. Ben oui. Bon. Ben... Donc, nous sommes Geek Collectif, le podcast. Ça fait déjà un bon bout qu'on est en train de jaser ce soir. Fait que, C'était le retour dans nos nouveaux locaux du podcast. On va être de retour dans 2 semaines. Demain matin, sur le flux RSS, fait qu'abonnez-vous sur Google Play Music, sur sinon flux. Sur iTunes ou sur le flux RSS, peu importe, regarde, il n'y a pas de trouble. On va avoir l'épisode qu'on est allé enregistrer chez Unity 3D Montreal. Vraiment super cool, avec André qui est le studio director. Ça, c'est le bar gay. Non, c'est pas le bar gay. C'est les gens qui font l'engin qui fait plein de jeux vidéo. Cet engin-là, ce show-là, il sort demain. Là. Le show va sortir demain matin. J'aimerais dire que ça va être vraiment le fun. Que dans tous les shows qu'on a enregistrés, c'est l'invité que... Il, à un moment donné, il part dans un sujet que moi et André, on est comme, on parle de les mauvaises choses avec toi en ce moment. Honnêtement, c'est un invité que... c'est... Qui est responsable pour peut-être une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma. Écoutez le sketch de Dave Chappelle, Taken to the Ghetto. Puis cet épisode-là, c'est ça, c'est que c'est ça on s'est fait emporter dans une émission où, honnêtement, il y a à peu près 15 autres sujets. André, si t'écoutes ça... Je vais faire un autre show avec toi, puis parler pas de Unity, mais parler de ton parcours, man. C'est écœurant. Fait que vous allez voir des belles brides de l'épisode de Unity. Moi, je veux le rencontrer, parce que j'étais pas là. Man, c'était génial. Ils m'ont pas laissé rentrer. L'épisode sort demain. Allez downloader ça, allez écouter ça, vous allez triper. Donc, l'épisode sort demain matin chez Unity 3D Montreal. Fait que allez downloader ça, c'est super cool. Et on va être de retour dans 2 semaines pour un prochain épisode du collectif. Peut-être avant, peut-être même, je sais pas. Peut-être avec un invité. Oh, Eric, les gens qui voudraient interagir avec toi en dehors du podcast, on t'en rejoint où, Eric? Sur Xbox. Oui. Montréalien, c'est mon gamer tag. Xbox, PS4, Facebook. Puis aussi, je suis Price 1387, comme toujours là, sur Battle.net. Que je joue maintenant des fois au Meltdown à boire une coupe de bière avant de travailler à Arcade MTL où vous pouvez me voir chaque vendredi en train de animer et... Le best shoutcaster au monde. au moins dans la région de Montréal. Surtout sur Saint-Denis des fois. Best shoutcaster de Saint-Denis. Ouais, Arcade MTL, viens me voir là, puis on a des événements quand même spéciaux qui s'en viennent dans pas long là. Moi, je tiens juste, excuse-moi, Milter, mais avant de te plugger, JTV nous mentionne que comme mes collègues québécois me disent à chaque fois, je vais swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois juste avant d'aller me coucher. Oui, on dit ça couramment. Mais es-tu au Québec ou en France? JTV, tes amis t'ont-tu dit que ça veut dire se masturber? C'est ça, c'est un peu comme... Puis là, le pire, c'est que lui, il vient de partir un careless, fait que ça va fitter parfaitement. Milter, c'est le temps, donc on te rejoint, Milter, en dehors du podcast. Sur Minecraft, sur Xbox One, Milter 187, et c'est ça. Pour l'instant, je dirais que... Peut-être jouer avec moi et Milter, les deux console peasants. Oui, paysan de console. Paysan de console. Aussi sur PS4, Milter 187. Je suis moins dessus, par exemple, dernièrement. Je suis plus sur ma Xbox parce que je joue à Friday the 13 ou Minecraft ou les jeux qu'Eric continue d'acheter sans cesse. Je vais sûrement partir de Deadpool bientôt. Ah, sacré. Allez, moi, même si je joue à quelque chose de solo, puis toi avec, on peut jaser. Ben, je suis comme un Discord privé pour nos abonnés Patreon. Si tu m'aimes, ça marche? De quoi? Je plug Patreon. Ben, tu peux plugger Patreon. C'est fait que s'il donne une pièce, il me parle en privé. Ben, en fait, il n'y a pas de reward system dans non, mon account. Non, OK, il n'y a pas de reward. Non, mais en réalité, le reward, c'est qu'on est étonnamment de me parler. Redevant de vous parce que vous gardez le projet en vie. Fait que, c'est pas mal ça. Mais good. Moi, ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est si vous voulez jouer avec nous autres aussi également. Ben oui. Ben, présentement, dans le chat de Twitch, pas mal n'importe quand, vous loguez dans Twitch, vous faites !Discord. Vous allez avoir l'invitation pour pouvoir nous rejoindre. Donc, avec ça, joignez le Discord du collectif. On a Yann qui nous mentionne sur Facebook. Donnez-moi juste un instant. Là. Yann Maisonneuve-Gauthier, ça passe vite comme épisode. T'as raison, Yann. Yann, votez pour Yann. On aimerait s'en faire plein. Votez pour Yann. Yann, t'es vraiment cool, mon gars. Pourquoi voter pour Yann? Puis on va être là Yann dans 2 semaines pour en faire un autre. Politicien on espère que tu vas être au rendez-vous. Fait que les gens qui ont pas fait déjà ça, on vous invite à liker la page Facebook avec le petit sticker à ma droite, votre gauche. Donc Geek Collectif, le podcast sur Facebook. Sinon, on peut aller sub ou follow sur Twitch. Ça va pouvoir nous aider à justement vous aider à savoir quand on est en ligne et nous aider à vous rejoindre quand vous êtes en ligne. Donc ça va nous aider beaucoup. Également, si jamais vous voulez utiliser votre monnaie sociale, laissez des reviews, partagez les épisodes, laissez des reviews, laissez des commentaires, ça nous aide au bout. C'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Rick, fait que utilisez votre monnaie sociale, allez liker les pages, faites des shares, tout va bien, ça va être vraiment cool. Pour les gens qui voudraient parler avec moi, André Paquette sur Facebook, sinon Uzumaki QC sur Steam, Twitch, pas mal partout. Rajoutez-moi sur Twitch, GC Podcast pour le podcast. Oui. Juste dire au monde qu'ils se sont rendus là dans l'enregistrement live, qui écoutent après. Si vous voulez voir nos interactions qu'on a avec le monde, puis il y a des petites affaires que vous ne comprenez pas, puisqu'on réfère à ce qu'on voit avec le Twitch chat, écoutez nos lives. Oui, carrément. Allez, écoutez les lives. Le best, là, c'est on est là, on prend une bière, on jase. Ce soir, c'est un show d'actualité. Des fois, il va y avoir des invités, tout le kit. Mais on tripe de faire ça. Ça fait déjà 5 ans qu'on fait ça avec vous autres. Et on s'enligne pour continuer ça. Fait que, guys, un gros merci d'avoir été avec nous autres. Un gros merci d'avoir follow le channel pour les gens sur Twitch. Un gros merci pour les nouveaux likes sur la page Facebook. Et sur ce, on se revoit dans 2 semaines. Et on se laisse là-dessus. Donc, un gros merci à tout le monde. Et sur ce, bonne fin de soirée. Bye. Ciao.